Eh bien oui, je les ai vus entrer dans le studio, donc dans quelques instants. Ça va être effectivement Bulle de Rêve sur Radio Libertaire, le temps qu'Alexis puisse allumer son ordinateur pour sortir son texte d'ouverture. C'est bien Bulle de Rêve, bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'on a eu des fois là, les loupés ces derniers temps, mais on va être plus sérieux en 2024. On fait déjà quelque chose, déjà des vœux par rapport à ça. Avant de vous présenter les deux évidemment piliers de cette émission qui sont à mes côtés encore aujourd'hui, on vient d'écouter Nebulosa, ce générique. On le doit à un monsieur qui s'appelle Francisco Tenorio Junior. Francisco Tenorio Junior, il y a un film qui raconte sa vie, un film que moi je trouve très moyen. On va parler de critique aujourd'hui, on va faire une partie critique qui s'appelle The Shot de Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal, donc un film qui était très attendu de deux réalisateurs, notamment Fernando Trueba, très très connu. Je trouve le film, mes deux petits camarades qui n'étaient pas au courant qu'on commençait, donc je ne sais pas s'ils voudront dire quelque chose, mais en tout cas pourront dire. Moi je trouve le film, il est passé en clôture, en ouverture du Carrefour de l'animation. Le film plutôt loupé, une espèce de truc un peu lourdingue sur faire une enquête, et voilà, c'est pas pire que Van Gogh, mais c'est quasiment le film qui était sorti sur Van Gogh il y a quelques années. Le film est lourdingue avec un Jeff Goldblum qui fait un personnage, un journaliste américain absolument mais insupportable. Mais ça nous donne à découvrir un musicien que moi je ne connaissais pas, qui a fait qu'un seul album, Umbalo, donc en 1964, et qui est un musicien assez étonnant, un pianiste assez étonnant, avec une vie assez étonnante, puisque brésilien, il a vécu en Argentine et il s'est fait visiblement tuer par la junte militaire. Il a disparu, on ne sait pas du tout si il est a priori mort, mais enfin voilà, c'est absolument terrible comme histoire. Donc voilà, au moins, et peut-être que le cinéma c'est aussi ça d'ailleurs, c'est de nous faire découvrir des gens qu'on ne connaît pas, même si le film est pour moi complètement loupé. Marie-Pauline Mollaret qui est à mes côtés. Marie-Pauline, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, c'est Shot to Play No Player? Eh bien, je suis assez d'accord avec toi. Cette idée d'enquête qui apparemment est censée représenter le parcours de Fernando Trueba quand il a découvert l'existence de ce musicien. Moi, je trouve ça assez tartignol. Et moi, ce qui m'a vraiment exaspérée, c'est la voix off, qui par moments m'a donné l'impression d'être en fait comme une espèce de blague. J'avais l'impression que c'était outré de manière caricaturale, un peu comme pour se moquer de ces films où il y a des voix off hyper lourdes pour dire, et alors là je retournais à l'aéroport quand tout à coup il se passait je ne sais pas quel truc grave. Et c'est vraiment, j'exagère à peine, c'est vraiment cet acabit-là. On le voit un moment dans une voiture avec quelqu'un et il dit, il me ramenait à l'aéroport, mais il ne dit pas un mot de tout le trajet. Et il y a vraiment des trucs comme ça, et je me dis, quand on est obligé toujours au cinéma, que ce soit en animation ou pas, d'en passer par des voix off aussi explicatives de manière aussi lourdingue, c'est que quand même il y a un problème d'un point de vue cinématographique. Nicolas ? Alors moi, je ne l'ai pas donc vu. Nicolas, dis, pardon. Je n'ai jamais vu un seul Fernand de Troïba correct, donc finalement, ça ne m'étonne pas trop. J'irai le voir quand même. Mais... Donc voilà, le film sort en janvier, je crois, et c'est vrai que c'est un peu une petite catastrophe. Alors, si vous aimez, par contre, tout ce qui est jazz et tout ce qui est, bossa nova, enfin, ça raconte des choses. Et c'est un peu frustrant parce qu'on a presque envie de voir, il y a des interviews de grands, grands noms de la bossa nova et on a juste envie de les entendre plus longtemps nous parler de ce moment assez exceptionnel, quoi, au niveau musical, au niveau politique. Enfin, il y a tout un enjeu qui est extraordinaire dans le film, mais c'est horrible l'idée de passer à côté de... Mais parce qu'il fallait une enquête. Et donc, oui. Du coup, à partir du moment où il y a cette histoire d'enquête complètement artificielle, il faut créer du suspense, qui est un suspense qui, à mon avis, est très putassier, puisqu'il était assez facile de savoir ce qu'il en était en faisant 2-3 recherches. Parce qu'au moment où c'est censé se passer... visiblement, il y a quand même pas mal de gens qui sont au courant de ce qui s'est passé. Ce qui arrive, il y a même des documentaires. J'ai regardé, il y a des documentaires qui ont déjà été faits. Enfin, enfin, voilà. Donc, encore une fois, c'est toujours ces documentaires. Moi, j'avais eu le même sentiment sur Sugarman il y a des années, qui avait aussi à la recherche d'un musicien inconnu, mais génial, et où pendant tout le film, on nous faisait un suspense incroyable, alors qu'en fait, c'était très facile de savoir que le personnage était toujours vivant. En fait. Et bon, moi, ça, j'avoue que ça a tendance à m'agacer. Donc, oui, c'est sûr, franchement, écouter sa musique, et puis on aurait aimé avoir plus de témoignages. Moi, je suis désolée, je suis pas très, très bonne en bossa nova et tout ça, et j'ai vraiment pas l'impression, en sortant du film, que j'ai compris d'une part un peu les spécificités de cette musique et surtout ce que lui y avait apporté. Enfin, si on n'écoute pas les musiques par nous-mêmes, je trouve que le film là-dessus ne répond pas. Mais parce qu'il fallait avoir une fiction, avoir un truc, un récit un peu à suspense narratif, parce que sinon les spectateurs sans doute ne sont pas assez intelligents pour suivre. Et encore une fois, on nous parle de documentaire, mais moi je trouve que c'est quand même vraiment très clairement de la fiction. Enfin, je sais pas comment, il faudrait trouver un nom pour ces films-là qui prétendent être des documentaires, mais qui surtout fictionnalise tout et rajoute du romanesque là où il n'y en avait peut-être pas besoin. Des docu-fictions. Oui, sauf que là, c'est vrai que c'est plus une fiction légère. Enfin, documentée. Une fiction documentée, voilà, on dirait plutôt l'inverse. Parce que c'est pas non plus un biopic. Non, parce que finalement, on apprend. On est... Encore une fois, on parle de Van Gogh, c'est vraiment ça, c'est d'un seul coup, c'est oh, mais il avait une maîtresse. Ah oui, il avait. Donc on va peut-être entendre la maîtresse, et donc c'est que ça, c'est pas, il n'y a pas un moment donné où on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas important, comme tu le dis. Exactement. Et on nous dit, il a révolutionné la musique. Et donc c'est un fait, mais jamais on nous explique en quoi, et on nous fait pas écouter en disant écoutez là vraiment ce morceau incroyable, enfin, je sais pas, moi vraiment j'étais hyper frustrée par rapport à ça. C'est catastrophique, il est tué visiblement à cause d'une phase, enfin, je sais pas, pour des raisons soi-disant politiques, sauf que lui n'a jamais dit, quand on lit un petit, il a jamais parlé de politique, donc c'est quelqu'un qui était, donc c'est aussi intéressant, enfin terrifiant de voir ce qu'une machine peut faire à une époque, évidemment, d'un seul coup broyer des gens, tout simplement parce qu'ils appartiennent à un certain milieu, on sait bien. Hein. Et c'est vrai qu'il y a plein de ramifications. On se dit, ah là, c'est passionnant, là, c'est passionnant, là, c'est passionnant. Et c'est vrai que comme. Et c'est pour ça que je parlais de Jeff Goldblum, c'est qu'on a l'impression, parce qu'on a vu une petite vidéo de Jeff Goldblum, alors qu'il était en Cartoon Forum, qui était un peu partout, qui en fait des tonnes. Et on a tellement l'impression qu'il se laisse porter aussi par cette espèce de personnage, je sais pas, moi, Troéba, de personnage américain, on va bosser avec Goldblum, ça va être bien, il va en faire, que on est plus dans un one-man show, mais voilà, sur ça. Donc voilà, donc The Shot, The Piano Player, une déception. En tout cas, hein, il est passé à Berlin ou Venise? Non, c'était Berlin, c'était quoi? Non, c'était... il n'était pas à Berlin. Il était à Saint-Sébastien. D'accord, il n'est pas, il a, ouais, aucun gros... Et puis je crois qu'il a même fait sa première pratiquement aussi à l'Arlequin, la réouverture un petit peu de la rentrée de septembre. D'accord, oui, exactement. Ouais. D'accord, et donc, il sort janvier, je crois. Janvier, ouais, oui, c'est oui, ça. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, on va faire un débat critique sur plusieurs films. On va parler d'un film que personne n'a vraiment vu, donc ça nous embête un peu de faire ça, mais bon, on va quand même en parler un tout petit peu, qui s'appelle Stop Motion de Robert Morgan, qui est un grand réalisateur de cinéma d'horreur en animation dont on aime beaucoup les courts-métrages. On verra par rapport aux longs-métrages, le film est passé au PIF, Paris International Film Fantastique. Il n'y a pas 3 F ? Fantastique, si. Fantastique Film Festival. Merci beaucoup. Donc voilà, je savais qu'il y avait 3 F. Donc voilà, donc le PIF, on parlera de ça, on vous parlera de Migration, de Benjamin Renner, le réalisateur de Ernest et Célestine, le grand méchant Renard se lance dans la 3D, l'image de synthèse avec Illumination, les gens qui ont fait Moi, moche et méchant. On parlera de Mars Express, on parlera peut-être de Sirocco, si on a du temps. Voilà, et on parlera bien sûr du film qui a fait l'événement de cette fin d'année. Dernier, dont on n'a pas parlé. Je pense que toutes les émissions de cinéma au monde, j'exagère, en tout cas en France, en ont parlé. Et la seule émission sur l'animation n'en a pas parlé. Donc on va parler quand même du Hayao Miyazaki, le garçon et le héron, que vous avez peut-être déjà vu. On aura un petit entretien après. On remercie infiniment Yves Bouvray et Cyclic de nous avoir permis ça, un entretien de 16 minutes avec Pierre-Luc Grandjean, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup. On aimerait bien avoir ici à un moment donné, qui a fait un film. Alors là, on ne parle pas trop du film, on en parlera un tout petit peu. On demandera à l'une des spécialiste maintenant de l'écran d'épingle, vient nous parler un peu de l'écran d'épingle, puisque Marie-Pauline avait écrit dans Bling Blanc un article sur l'écran d'épingle, et voilà, il travaille sur l'écran d'épingle, et on a vu des belles choses, on verra si... enfin, on parlera pas du film en lui-même, mais on parlera un petit peu de ce qui est autour, et donc voilà, et on vous parlera à la fin, peut-être, si on a le temps, de ce qu'on attend, de ce qu'on nous a plu en 2023, de ce qu'on attend en 2024, on vous parlera quand même du Piaf. Puisque, et Marie-Pauline et moi, donc, on est de l'équipe du PIAF, et donc on parle un peu quand même de la sélection, et de vous dire, ben, on se retrouvera donc du 16 au 21 janvier, donc de vous en parler un petit peu, puisque notre émission sera le 20, donc on ne pourra pas en reparler par la suite. Mais bien sûr, comme d'habitude, on commence par l'album du mois. Nous sommes en décembre, nous allons commencer par l'album de l'année, et comme Nicolas l'a vu, c'est la grande surprise. Donc Nicolas, là, notre réalisateur préféré, bien évidemment, l'a déjà vu, c'est la surprise. Personne ne s'y attendait. Si vous écoutez Bulle de rêve, attention, vous êtes prêtes et prêts. Marie-Pauline va nous dire l'album de l'année qui est... Alors, roulement de tambour. L'album de l'année, eh bien, ce serait Two First Pages of Frankenstein de The National. À ne pas confondre, s'il vous plaît, avec Love Track, qui est l'autre album de The National de cette année, sorti en septembre. Qui est second ? Ok, non, pas tout à fait, non ? Alors, non. En fait, pour blague à part, moi j'avoue que quand on avait évoqué l'idée de parler un peu de nos albums préférés de l'année, je me suis basée très bêtement sur mon classement Spotify en me disant que ce serait encore le truc le plus objectif sur ce que j'ai le plus écouté de l'année. Et effectivement, il semblerait que ce soit cet album de The National qui soit arrivé assez largement en tête. Je ne sais pas, je n'ai pas compté combien ça faisait, à peu près 2000 minutes d'écoute. Ouais, c'est pas mal sur cet album. Et voilà, et que vous dire de plus, comme j'en ai parlé à peu près une émission sur deux cette année, si vous êtes des fidèles auditeurs et auditrices, vous avez forcément été écoutés en vous disant qu'il fallait quand même voir ce que c'était. Donc maintenant, vous êtes tous fans également de The National. J'espère qu'un jour, quand même, j'aurai l'occasion de les rencontrer et qu'ils pourront me remercier en personne de faire leur pub mieux que leur attaché de presse. Voilà, mais quand même, petit truc, c'est que j'ai décidé de vous faire écouter un titre qui me permet de placer une autre artiste que j'ai beaucoup écouté cette année. Donc, j'assume peut-être un peu moins parce que c'est quand même vachement mainstream, mais des fois, que voulez-vous, on est faible. Et donc, je vais vous faire écouter un titre où il y a un featuring de Taylor Swift. Il se trouve que Taylor Swift a fait pas mal de collaborations avec les membres de The National. Ils lui ont écrit pas mal de chansons. Elle avait fait un très beau duo avec Matt Berninger. Et là, donc, elle leur rend l'appareil en faisant ce duo sur le titre qui s'appelle The Alcott. On écoute Nicolas. Myself twisted in threads to meet you at the Alcott. I go to the corner in the back where you'd always be. And there you are sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, you tell me the truth. It's the last thing you wanted, it's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I sit there silently waiting for you to look up. Bulle de rêve, bonjour donc tout le monde, enfin voilà, pardon, j'ai dit bonjour, j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure, on était bercé par la voix de Taylor Swift et bien sûr de The National, album de l'année, au moins pour Marie-Pauline, je ne sais pas pour tout le monde, mais pas pour Marie-Pauline, je suis content parce qu'elle l'a dit, donc moi aussi, hein, je vais le dire, parce qu'après tout elle l'a dit en ligne, moi aussi Taylor Swift, j'ai beaucoup écouté, vous m'auriez dit ça, je pense il y a un an, je vous aurais ri au nez en disant, bien évidemment, et l'album c'est vrai, est assez incroyable, il y a de très belles chansons dessus, et on se laisse porter, ça fait partie de ces albums qui font du bien quelque part, parce que c'est horrible de dire, on n'est pas à réfléchir, mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose de simple, et d'agréable. C'est efficace et des fois ça fait du bien. Ça fait du bien. D'avoir aussi des choses efficaces, surtout quand à côté on écoute des choses moins efficaces, on l'entendra peut-être tout à l'heure, voilà. Alors déjà des petites news avant de parler des critiques, très rapidement, moi ça va être très rapide juste pour vous dire que ça y est, Warner l'a annoncé, on en parlait déjà, je vais pas vous faire toutes les émissions sur les AI bien sûr, c'est des intelligences artificielles, mais ils ont annoncé un biopic sur Edith Piaf, narré avec la narration d'Edith Piaf elle-même, évidemment, qu'ils feront faire en intelligence artificielle. Donc après, on fait rire quand on me dit que rien ne va changer avec les AI ou que les êtres humains. Évidemment, les artistes, etc., mais évidemment les exécutifs, parce que tout ça vient de l'estate, comme on dit, d'Edith Piaf, plus exécutifs de Warner, etc. Il y a un livre qui vient de sortir, mais je vous en parle après. Je vous conseille, si vous êtes un festival, il y a un film que j'ai bien aimé l'année dernière qui s'appelait Lucien the Rock. On l'avait sélectionné aussi en jeunesse, au Piaf, etc. De Brit Reiss. Et Brit Reiss a un workshop, un atelier qui est vraiment bien, qu'elle fait dans les festivals, où elle fait un fanzine sur les films qui sont vus avec tous les gens. C'est-à-dire que ça peut être les réalisateurs, les artistes qui sont présents, des jeunes enfants qui sont présents et tout. C'est très touchant parce que c'est très touchant, je pense, pour un réalisateur, une réalisatrice de voir ça dessiné par quelqu'un, etc. Donc il y a quelque chose. Donc voilà. Et la dernière chose, je voudrais vous parler avant que Nicolas nous parle, parce que Nicolas va commencer une grande chronique qui va être sur tous les mois quasiment de livres sur l'animation. Je ne sais pas s'il aura assez de livres sur l'année, mais maintenant il y en a de plus en plus, heureusement. Mais je voulais juste parler d'un livre qui vient de sortir, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien, mais qui vient de sortir. Normalement, j'avais pris une photo, mais je ne la retrouve plus. Si j'ai pris une photo, voilà. Donc un livre DVD qui est fait par la Nef, et qui, la Nef, on avait déjà fait un premier, ils en ont fait un second, avec des films. Ils en avaient déjà fait deux, non? Alors, ils en avaient fait deux, mais qui n'étaient pas sûrs. Ils en avaient fait un qui était sur la création, c'est un peu différent. Là, c'est vraiment prendre les gens qui sont sortis donc de la résidence à Fontevraud et d'en faire un livre. Mais tu as raison, ils avaient fait déjà deux livres. Donc, mais là, c'est plutôt la suite du premier qui était avec donc, du beau monde. Hein. On commence par Étreinte de Justine Wulstecker, Mouvement de Dae Jeong, Le Monde en Soi de Sandrine Stoyanov et Jean-Charles Fink, Sonny El Campo de Marie Seri et Magda Guidi, désolé pour mon accent, Rivage de Sophie Racine, Noir Soleil de Marie Larrivée, Drôle d'Oiseau de Charlie Belin, Caline de Margot Remond, Sweet Like Lemons de Jérémy Jokela, Yenny, La Grande Arche de Camille Ottoir, None or Never d'Erta Yalinoja et The Family Portrait de Léa Vidakovic. Moi, en tout cas, c'est vraiment du lourd. Pas mal de films sont passés. Alors, pour nous, pour Opiaf, où vont passer? C'est vraiment, il y a une très très belle. Et puis, il y a des making-of de certains de ces films, enfin, etc. Donc, c'est un beau livre. Et si vous demandez des fois quoi. Alors, c'est pas une question de la d'offrir ou pas, mais en tout cas, le DVD, il y a des films qui sont pas encore sur Internet. Donc, ça vaut la peine. Et toi, Nicolas, donc, tu t'es dit, tiens, il y a de plus en plus de livres qui sortent, donc pourquoi ne pas en parler ? Exactement. Alors, mais en même temps, dans les livres qui sortent, il y a un petit peu, on va dire, à manger et à boire, et il y a surtout beaucoup, par exemple, d'albums, plutôt pour la jeunesse, ou voilà. Mais il y a quand même pas mal de hardbooks ou autres, et en fait, ce qui m'intéresse un petit peu ici, c'est de présenter peut-être quelques livres autour du cinéma d'animation dont on parle un petit peu moins et qui vont permettre d'en apprendre vraiment peut-être davantage sur le cinéma d'animation. Et en fait, je vais ouvrir un petit peu cette série, on l'espère, de chroniques sur les livres sur le cinéma d'animation avec un ouvrage publié sous la direction du regretté Sébastien Roffa, de Sylvie Sarins et de Pascal Vimenet, qui s'intitule Émile Reynaud, Nouveau Regard, et qui est publié, qui est sorti au mois de juin chez L'Harmattan. Alors, l'ouvrage est dédié à Sébastien Roffa, ce qui est logique, puisqu'en fait, l'ouvrage est paru sous sa collection, Sébastien Roffa, avec une collection cinéma d'animation chez L'Harmattan. Et Sébastien Roffa nous a quittés, donc, il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an. On lui avait rendu, d'ailleurs, hommage à la radio. Il était déjà venu plusieurs fois, dont une fois nous parler pendant deux heures de La Bergère et le Ramoneur aussi sur cette antenne. Et cet ouvrage est le premier qui sort justement dans sa collection depuis son décès, collection qui a été reprise notamment par Cécile Nouesser, Jérôme Dutel et Pascal Vimenet qui s'occuperont maintenant un petit peu d'éditer de nouveaux ouvrages sur le cinéma d'animation. Et en fait, Émile Reynaud, c'est aussi un sujet qui tenait à cœur énormément Sébastien Roffa, qui était historien donc du cinéma d'animation. Il avait d'ailleurs publié il y a 10 ans, c'était en 2013, donc vraiment 10 ans cette année, republié un ouvrage de 1926 de Maurice Nevers. Et Maurice Nevers est quelqu'un qui avait publié une biographie d'Émile Reynaud en 1926 à Compte d'Auteur, qui était totalement invisible, voilà, et Sébastien Roffa avait participé à cette publication. Et à partir de là, en fait, il s'était aussi aperçu, évidemment, qu'il n'y avait pas grand-chose sur Émile Reynaud, et donc il a décidé, de co-diriger cet ouvrage à partir notamment d'une journée d'études qui a eu lieu, dans laquelle ont été rajoutés plusieurs autres textes. Alors, pour ceux qui nous suivent, j'imagine que tout le monde connaît un petit peu Émile Reynaud, mais c'est pas sûr non plus, au cas où. Donc Émile Reynaud, au moins pour les auditeurs qui sont à l'AFCA, c'est évidemment celui à qui on a donné le nom du prix. Émile Reynaud, donc, décerné par l'AFCA pour le meilleur court-métrage chaque année. Émile Reynaud, c'est quelqu'un qui est né en 1844 et 1918, et pour reprendre toujours un petit peu le même, André Martin, en 1977, lors des 11e journées internationales du cinéma d'animation, c'est-à-dire en gros du 11e festival d'Annecy, avait écrit une petite plaquette assez intéressante qui s'appelait 1877-1977, 100 ans de cinéma d'animation. Et en fait, la plaquette s'appelait Image par image, et il écrivait Fondateur Émile Reynaud. Et effectivement, pour André Martin, Émile Reynaud est le fondateur de l'idée de cinéma d'animation, alors même qu'il crée en 1877 le Praxinoscope, c'est-à-dire au moins 18 ans avant le cinématographe Lumière. Et c'est aussi, d'une certaine façon, l'idée d'une, comme il le dit, d'une forme très particulière de cinéma. C'est-à-dire que pour lui, déjà, le praxinoscope d'Émile Reynaud était une forme très particulière de cinéma. Mais alors pourquoi on dit toujours 1892 dans le petit monde de l'animation ? Parce que 1892, c'est la naissance et la création du théâtre optique d'Émile Reynaud au musée Grévin, avec donc ses pantomimes lumineuses. Voilà. Mais pour André Martin, il y avait déjà quelque chose de l'ordre du cinéma en 1877 avec le praxinoscope. Et donc, on est vraiment au tout début du... Enfin, on est vraiment dans cette époque du pré-cinéma avec Émile Reynaud, et donc avec quelqu'un qui va, qui aussi justement entre les sciences, c'est quelqu'un qui était très intéressé par les sciences, l'industrie un petit peu, parce qu'évidemment les jouets optiques qu'il crée vont être vendus, et l'art, puisqu'il va créer vraiment aussi toutes les bandes et le praxinoscope, du praxinoscope et aussi le théâtre optique. Et donc c'est toujours extrêmement passionnant de pouvoir revenir un petit peu sur ses fondateurs, d'autant plus que là vraiment l'ouvrage qui est extrêmement intéressant et revient sur un petit peu toutes les facettes d'Émile Reynaud qui malheureusement est resté, on va dire, dans un geste de désespoir après la ruine qu'il a connue une fois que les Frères Lumière ont créé leur cinématographe, a jeté quasiment tout ce qu'il avait dans la scène, et dont il ne reste pratiquement plus rien sauf deux bandes de ce théâtre optique. Et donc l'ouvrage, simplement pour revenir vraiment sur l'ouvrage, après un premier hommage d'une certaine façon à Sébastien Rofa, qui commence justement par une très belle introduction de Pascal Vimney, qui explique justement ici aussi, donc je vais lire quelques tout petits extraits. Il explique justement ici, et donc nous nous interrogeons pêle-mêle à la fois sur le nouveau statut des documents sources après l'inscription du spectacle des pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO, ce qui est déjà quelque chose aussi d'assez fondamental, et ça montre à quel point c'est un artiste qui est vraiment fondamental, sur le contexte global entourant la vie de l'inventeur sur le théâtre optique, considéré non comme un appareil qui aurait raté la marche de ce qui fait cinématographie, mais bien comme un dispositif faisant animation, et sur la migration du travail formatif de Reynaud vers les formes modernes et renouvelées que peuvent en proposer Pierre Hébert et Bob Ostertag ou Mourad Merzouki, etc., etc. Et c'est vrai que Émile Reynaud à l'époque était un performeur, c'est-à-dire qu'il était sur scène, il tournait d'une certaine façon les bandes du théâtre optique et auprès d'un public au musée Grévin. Donc on était vraiment dans les projections publiques. Ce qui fait qu'il disait même qu'on, visiblement d'après les historiens, la séance pouvait durer des durées différentes selon. S'il décidait de parler un peu plus ou un peu moins, quoi. Exactement. Et en fait, la grande question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que, à partir de deux bandes, par exemple, on pourrait écrire un ouvrage. Mais alors, donc, c'est un ouvrage qui a été écrit avec par énormément d'auteurs. Il y a vraiment une multitude d'auteurs. Et en fait, c'est un ouvrage qui va revenir plus que sur les simples pantomimes lumineuses, sur vraiment Émile Reynaud. Déjà son histoire, et avec un premier texte de Sylvie Sarin sur Émile Reynaud et la photographie, à partir vraiment des archives Émile Reynaud. Et ce qui est extrêmement bien dans ce livre, c'est qu'il est extrêmement bien documenté, contrairement à pas mal d'ouvrages publiés chez L'Armatan qui sont très arides avec uniquement du texte. Là, il y a énormément de visuels, énormément de photos et pas mal de photos couleurs aussi, ce qui aide vraiment justement à apprécier tout le travail. Énormément d'affiches, énormément de des croquis préparatoires par exemple, de bandes de des pantomimes lumineuses qui sont vraiment en couleur, donc ça aide vraiment à la lecture du livre. Après, le fait que Sylvie Sarin, c'est de la famille. Oui, c'est ça, c'est on peut le dire, donc l'arrière-petite-fille d'Émile Reynaud aussi. Donc ça a peut-être aidé en effet à avoir l'iconographie. Exactement, ouais. Donc à avoir pas mal des. Mais avec une iconographie qui est assez intéressante, elle revient justement sur la création par Émile Reynaud de dispositifs qu'on connaît moins, comme des dispositifs un petit peu chronophotographiques, donc qui sont un peu liés au cinéma et au mouvement aussi, à la photographie. Ensuite, on a aussi un très long et très beau texte de Pascal Vimney sur les pantomimes lumineuses qui revient sur les pantomimes comme, d'une certaine façon, comme il le dit un peu, une espèce d'art, un petit peu de la destruction aussi. Voilà. On a un beau chapitre, enfin, qui est consacré avec plusieurs textes à la manière dont sont sauvegardés. Donc, qu'est-ce qui est sauvegardé? Comment sont sauvegardés? Comment sont archivés les éléments d'Émile Reynaud? Et puis, surtout, on a deux parties, une autre partie qui est plus surprenante et qui est passionnante aussi, historiographique, avec une entrevue, donc un entretien par Marion Charopin, qui est une ancienne étudiante qui a fait notamment un mémoire et qui était en préparation d'une thèse sur les boucles animées, et qui, avec André Gaudreau et Philippe Marion, qui sont deux auteurs extrêmement importants, donc québécois et belges, et qui ont écrit un ouvrage sur la fin du cinéma, point d'interrogation, il y a déjà quelques années, et qui s'interrogeait un petit peu sur ce concept de fin du cinéma, et qui parle justement d'Émile Reynaud, parce que pour eux, Émile Reynaud est quelqu'un qui devrait revenir un petit peu dans l'actualité, entretien assez passionnant. Et puis une discussion entre deux personnalités qui sont un peu opposées dans leur conception du cinéma d'animation, mais qui sont passionnantes à lire et qui sont très peu traduites, qui sont Alan Cholodenko, philosophe qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Illusion of Life, et qui pour lui justement voit le concept d'animation englobant le cinéma et l'animation, et le cinéma d'animation on va dire, et pour aller très vite, hein, et Donald Crafton, historien du cinéma d'animation, qui avait fait notamment un ouvrage absolument génial qui s'appelle Before Mickey, et aussi une thèse sur Emile Cole, et qui donc tous les deux vont revenir sur leur conception du cinéma et de l'animation, justement dans deux textes assez aussi fournis et qui parlent beaucoup de justement Émile Reynaud. Avant, un dernier chapitre important, là aussi, c'est Émile Reynaud, un héritage animé par Christine Verras. Christine Verras qui, elle, est une performeuse et aussi historienne, et Christine Verras parle beaucoup d'Émile Reynaud, notamment et de son retour et de sa reprise à la fois dans le cinéma, autant chez Disney que chez Borowczyk par exemple, que dans l'art contemporain et dans les performances. Et donc, comment Émile Reynaud revient, d'une certaine façon, dans l'actualité du cinéma et l'actualité du cinéma d'animation. Voilà, pour aller très vite. Eh ben, merci. Combien ça coûte ? L'ouvrage fait 30 euros. Ok, 30 euros. Donc, 30 euros. Et donc, pour le rappel, hein, simplement, Émile Reynaud, Nouveau Regard, chez l'Harmattan, et c'est presque un premier regard, puisqu'il y a tellement peu de choses qui ont été écrites sur lui, que vraiment, ça reste une très belle introduction à Émile Reynaud. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette première édition, donc cette première chronique sur les livres. Et à noter que Émile Reynaud est loin d'être oublié, puisqu'il y a un grand réalisateur qui est au Portugal, qui s'appelle Abi Feijó, qui a un musée là-bas, si vous avez l'occasion de passer là-bas. On parlait récemment, on disait qu'il avait il a l'envie de retravailler des vraies bandes voilà, pour le théâtre optique, donc revenir et faire lui-même, en fait, reprendre le rôle d'Émile Reynaud et faire des spectacles aussi à l'Émile Reynaud. Donc voilà, donc évidemment, rien n'est perdu. On va retrouver Émile Reynaud très prochainement, c'est sûr, dans plusieurs styles différents, on va dire. Voilà. La prochaine musique, c'est moi. Il y a juste des morceaux qui sont une évidence, parce que c'est juste le titre de la chanson. Quand un morceau s'appelle Godzilla, et vous arrivez sur un truc, vous dites, faut que je l'écoute. Donc c'est une chanson qui s'appelle Nana. Je peux pas vous dire grand chose, j'ai écouté l'album, que ça va pas, mais. Godzilla, on écoute ça. Merci Nicolas. I walk away with pinto beans. another time I'll get it right, but for now I'm happy being wrong. Voilà, c'était donc Godzilla par Lana. C'était juste pour montrer que j'écoutais aussi des choses un peu tranquilles. Et pas que des choses qui font du bruit. Donc on a commencé tranquillement avec Godzilla. Et puis j'ai loupé le dernier Godzilla qui est passé juste deux jours en France, malheureusement. Donc voilà, c'était aussi un peu pour parler de ça. Allez, débat critique. On aurait dû faire un chapeau, on aurait dû tirer comme ça au sort le film. On va peut-être commencer comme ça, si on peut pas parler de stop, on va voir pour Stop Motion. On va parler peut-être des films qui sont sortis là récemment. Sirocco, est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur Sirocco de Benoît Chieux? Je crois que Nicolas, toi t'es pas super fan du film. Alors ça dépend, c'est-à-dire que je trouve que la mise en scène est très intéressante. Je pense que Benoît Chieux est vraiment un bon réalisateur. Mais par contre, ce que j'ai vraiment pas aimé dans le film, c'est l'écriture. Je trouve qu'il y a énormément de trous. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont assez bancales. Et finalement, j'ai l'impression que l'écriture, mais c'est pas le premier film que je vois comme ça, est quelque chose qui pêche beaucoup dans le cinéma et dans le cinéma d'animation en France. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'ose pas trop retoucher les scripts ou les scénarios des auteurs ou s'il y a un petit problème d'écriture comme ça, mais c'est assez étonnant de voir à quel point de très bons cinéastes peuvent finalement faire des films qui restent pour moi relativement un peu, enfin, vraiment bancal au niveau de l'écriture, avec pas mal de problèmes. Moi, je me demande si ce que tu soulignes, Nicolas, c'est pas lié à la manière dont le film a été créé. Parce qu'en fait, Benoît Cheux, il explique qu'il a d'abord fait plein de dessins et qu'il a voulu faire un film avec ses dessins et qu'il avait vaguement quelques idées comme ça de récits, mais il n'avait pas... En fait, c'est pas parti d'une histoire qu'il aurait absolument eu envie de raconter. C'est une histoire a été créée autour de ses dessins en compagnie d'Alain Gagnol, qui est quand même plutôt un scénariste intéressant par ailleurs. Et moi, je me suis demandé, en fait, quand Benoît Cheux m'a expliqué ça, je me suis demandé si c'était pas pour ça que j'avais trouvé que l'histoire était... pas forcément toujours très bien écrite, était par ailleurs assez banale. Enfin, voilà, on avait l'impression qu'on l'avait déjà vue. Alors que tout le reste, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est tout le reste, effectivement. C'est l'univers que je trouve vraiment incroyable, toutes ces petites créatures. Comme tu disais, en termes de réalisation, de mise en scène, c'est un réalisateur qui réfléchit à de la mise en scène, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est vrai que ça m'intéresse. Et après, l'histoire, m'a un peu plus laissée de côté. Et effectivement, je suis comme toi. Après, j'ai vu le film il y a longtemps, donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Mais c'est vrai qu'il y a par moments des trucs d'écriture qui semblaient un peu grossiers. Et alors après, moi, le truc qui m'a vraiment dérangée particulièrement, mais alors ça, c'est très, très personnel, sont les voix. Je trouvais que les voix des deux personnages féminins, qui sont des petites filles, sont assez insupportables. Et même si on m'a fait remarquer que les petites filles, elles avaient des voix comme ça, peut-être que des fois au cinéma, on pourrait dire qu'on n'est pas obligé de faire tout comme dans la réalité et avoir quelque chose d'un tout petit peu moins hystérique et un petit peu moins urticant. Et pour moi, c'est vrai que ce que tu dis, ça me paraît aussi totalement juste parce que parfois, j'ai eu l'impression qu'il avait envie de créer des séquences, des scènes qui sont très belles, mais quitte à oublier qu'il y a parfois des incohérences, notamment dans les séquences finales qui sont très jolies en tant que telles, mais je trouve que dans la continuité du récit, ça fonctionne pas trop. Et ce qui est étrange, parce que par exemple, il y a d'autres cinéastes qui ont fait un petit peu de la même manière, qui ont procédé un peu de la même manière, mais pour qui ça a mieux marché. Mais peut-être parce que justement, ils sont restés sur un fil conducteur et un fil narratif qui était beaucoup plus fin et beaucoup plus simple, comme La Tortue Rouge, où en fait, Michael Dudogdevit a commencé vraiment par avoir des idées visuelles, s'entourer aussi de Pascal Ferrand finalement pour pouvoir écrire davantage le film, mais malgré tout, on est sur un fil conducteur qui est d'une simplicité complète et il va peut-être pas trop loin, c'est peut-être pour ça aussi, donc moins d'incohérence aussi. Qui rend pas forcément le film très intéressant non plus, La Tortue Rouge. C'est vrai, mais je l'ai trouvé plus intéressant au niveau de l'écriture. Il y a des jolies choses, mais je suis pas complètement fan non plus de ça. Allez, moi je vais faire un peu un contrepoint, peut-être parce que je l'ai vu récemment. Moi j'avoue que je me suis laissé un peu emporter, alors en effet... Il y a peut-être ce côté, mais qui est peut-être compliqué aussi. Benoît Cheux, pendant des années, hein, vous connaissez, était donc dans cette société Folimage. C'est quasiment son premier film, si on considère que Tantilda, il y a des idées de mise en scène. En effet, je pense que les bonnes idées de mise en scène, sans vouloir enlever à Jacques-Rémy Gérard, grand monsieur, évidemment, sans les mises en scène, mais je pense qu'il y a vraiment là un apport de la part de Benoît Cheux très important. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dit, et à la fois, je pense que ça fait partie de ces choses. Des fois, on se laisse emporter. Les voix des deux petites filles, en effet, au début, je me suis dit, bon, là, il nous fait son Totoro. Et donc, parce que dans Totoro, elles sont insupportables, et les deux petites filles qui hurlent tout le temps, et qui hurlent, sauf qu'évidemment, on se laisse emporter aussi par rapport à ça. Et j'avoue que je me suis à un moment donné dit, bon, allez, c'est pas très grave, j'abandonne ce côté un petit peu. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment le genre de film où, en effet, on décide à un moment donné, suspension of disbelief, comme on dit en anglais, on se dit, allez, il va y avoir des choses qui vont être un peu partir dans tous les sens, mais je veux bien y croire, j'ai envie de me laisser emporter. Je pense qu'il y a un nom qui est important aussi, même si c'est Benoît Cheux, c'est Titouan Bordeaux qui est aussi derrière, Titouan Bordeaux. Et je trouve que on est aussi comme dans son moyen métrage, dont évidemment j'oublie le nom juste maintenant, c'est pas bien, de la part de Titouan Bordeaux, je suis désolé. Merci Nicolas, si on arrive à le retrouver, j'ai honte, j'ai exactement les images qui me viennent devant moi, en plus on l'a passé au Piaf aussi, donc voilà, Titouan pour ça. Mais je trouve qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté aussi, le film Titouan Bordeaux, beaucoup de gens l'ont trouvé. Bye bye Elida. Hein, bye bye Elida, beaucoup de gens l'ont trouvé aussi un peu bye bye Elida, en disant ouf, ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que c'est le genre de choses où, 5 minutes, on se dit allez. J'abandonne tout truc et puis je me laisse emporter. C'est vrai que je pense que c'est un film pour les enfants, en tout cas, qui change un peu et qui peut peut-être amener cette idée d'imaginaire, d'imagination que j'aime bien. C'est peut-être pas encore le grand film de Benoît Cheux qui va faire et qu'on va attendre, parce que je suis comme vous, je pense que c'est un des très grands réalisateurs qu'on a aujourd'hui et qui réfléchit réellement à ce qu'il fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, un film sur lequel je me suis, moi, en tout cas, laissé un petit peu plus transporter, on va dire, par le film, tout simplement. Mars Express. Ah, moi, Mars Express, Jérémy par Perrin. Contre, ça, c'est un film que j'aime bien. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas un film qui va révolutionner non plus la SF, mais pour moi, on a un très bon film de science-fiction français, ce qui est très rare, quand même, pour être souligné, hein. vraiment la SF française et pas non plus, c'est pas le genre principal, mais ça reste, là c'est vraiment... On en a quand même, non, dans les 100 dernières années, pas oui, mal. Mais on va dire, enfin, peut-être dans ces 30 dernières années, je suis pas tout à fait sûr qu'il y en a eu beaucoup non plus, des films très importants en SF. Et là, sans révolutionner les choses, je trouve que c'est un film qui peut, surtout pour le public, viser, qui est quand même un public en général, alors soit peut-être d'amateurs de SF, mais aussi, on va dire, vu que c'est quand même un film de Jérémy Perrin, créateur de Last Man, qui est plutôt peut-être, qui a très apprécié, on va dire, des 15-25 ans, notamment par rapport à Last Man. Je pense que ça peut être une bonne introduction, notamment à la SF, c'est-à-dire c'est le type de film qui peut très clairement amener vers, pour des gens qui n'auront pas vu Blade Runner ou Total Recall ou des choses comme ça, qui peut amener vers du Philip K. Dick ou autre. Il y en a pas mal, hein. Il y en a quand même énormément. Surtout quand je vois notamment la culture cinématographique de beaucoup d'étudiants. Je pense que c'est le genre de film qui peut les amener justement vers quelque chose qui va être justement de cet ordre-là. Et pour moi, c'est un film qui est plutôt bien construit. Il est assez dense, etc. Je dis pas qu'il est dénué de défauts ou autre, hein, mais c'est un film, moi, dans lequel j'ai été pris. C'est un film qui joue justement beaucoup sur le côté SF, polar, de manière assez... intelligente, je trouve. Même si, évidemment, c'est pas le film qui va révolutionner absolument la SF française ou la SF tout court, évidemment. Mais... Marie-Pauline, tu veux en dire un petit mot ? Moi, je suis complètement d'accord avec Nicolas. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne porte d'entrée dans le genre pour des gens qui ne seraient pas du tout connaisseurs. Quand on est un petit peu connaisseur ou connaisseuse, il faut bien reconnaître que voilà, c'est un petit peu court. Moi, je trouve le film vraiment plein de qualités. Il faut saluer cette ambition, effectivement, de faire un film de SF en animation française. Il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes et il faut aller voir le film, ça c'est sûr. Après, moi, j'étais un petit peu déçue, effectivement. Je trouve que le film manque un peu de profondeur, qu'il se cantonne un peu à son côté d'enquête, un peu plan-plan. Alors, on est encore dans une enquête. Pourtant, je vous assure que j'ai rien contre les enquêtes. J'adore les polars. Mais là, je sais pas, je trouve que ça empêche parfois un petit peu le film de respirer. Et moi, j'avais été un tout petit peu déçue aussi par l'univers. En fait, l'idée de faire un film de science-fiction, c'est aussi de créer un univers, de donner à voir des choses. Moi, j'avais trouvé que de ce côté-là, le film avait un peu frustré parce que j'avais pas vraiment l'impression qu'il était ancré dans un univers futuriste particulier. C'était bon, peut-être question de moyens, pas tellement mis en valeur. Voilà. Après, moi, je suis une grosse fan de Last Man, donc je rentre pas tout à fait dans la catégorie que tu as citée, Nicolas. Mais voilà, c'est un film que je conseille complètement, ces petites réserves passées. Et puis après, effectivement, commencer par Mars Express, et après, revenez me voir, je vous ferai toute une liste de bouquins à lire, de films à voir, et tout ça, ça va être super. Tandis que moi, pour moi, justement, j'aime bien ce côté qui est, on va dire, futuriste sans trop l'être aussi, c'est-à-dire un univers qui est quand même relativement réaliste tout en étant futuriste, c'est-à-dire que je pense que le but était quand même d'ancrer un petit peu le film dans des problématiques aussi un peu actuelles. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est la noirceur du film, c'est-à-dire que c'est pas un film qui, parce qu'il est animé, doit être pour les enfants tout gentil, tout beau, tout mignon, etc. C'est un film qui reste sombre avec des... aussi personnages qui ont très clairement des mauvais côtés, qui sont pas forcément toujours agréables. Et ça, je trouve que la construction, justement, des personnages et autres était aussi assez intéressante. Oui, mais forcément, puisqu'il s'inspire du film noir. Donc là, de ce côté-là, la détective alcoolique, il l'a pas complètement inventé. Non, et mais quand je disais son futuriste, coéquipier qui quand même bat sa femme ou autre aussi. Quand je disais futuriste, c'était pas du tout dans l'idée d'avoir un truc spectaculaire, ultra moderne. C'est juste que il faut arrêter de prendre le prétexte de la science-fiction pour raconter juste une histoire lambda. Si on choisit de ancrer son film dans le futur, il faut nous montrer à quoi ressemble ce futur, même s'il ressemble exactement à notre époque. Mais moi, je trouve qu'on a quasiment pas de plan vraiment sur les villes, sur un peu des trucs qui ancreraient ce film dans ce futur. Et c'est ça, moi, qui me frustre. Ouais, là, c'est vrai que c'est peut-être question de moyens et de temps, parce que globalement, c'est vrai que le film est court. Après, pardon, mais après, ça fait très longtemps que il y en a quelques films, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas de grands films aussi qui réinventent la ville. On en a déjà parlé ici. Moi, ça m'intéresserait de revoir des films qui, je trouve, là, sortent justement de choses qu'on a déjà ou lues. Alors ça, c'est une évidence totale, mais même vu ou beaucoup... ouais, un petit bout de Metropolis, alors je n'ai pas joué les... Regardez Metropolis, Blade Runner qui déjà reprend, je trouve qu'on a du mal à réinventer la ville. Par contre, vous m'impressionnez. Parce que alors moi, j'aime pas trop le cinéma de Jérémy Perrin à la base. C'est quelqu'un qui est très, très fort. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec Last Man, avec ses courts-métrages, etc. Et en fait, c'est rigolo parce que moi, j'ai vu Mars Express il y a un bon 2 mois maintenant. Et je me souviens très avoir passé un bon moment Pas plus que ça, j'ai l'impression d'avoir vu un bon film du dimanche soir, mais dans le bon sens du terme, pas mauvais sens. C'est-à-dire, je me suis passé, mais je me souviens plus du tout du film. C'est-à-dire que je me souvenais juste de dire, ah tiens, oui, c'est vrai que dans Ghost in the Shell, ah ben oui, tiens, c'est vrai que dans Blade, ah c'est vrai que tiens, dans ça, etc. Et tiens, il y avait ça mieux, mais c'était pas, ça m'a pas gêné en voyant le film. Hein. C'est pas du tout, je me suis pas dit, oh là là, il fait ça, parce que je trouve qu'il caricature pas, juste il fait son film, il est plein d'influence, il est bourré d'influence, il fait un joli film qui passe bien. Moi, je me suis pas ennuyé deux secondes dans le film, mais c'est vrai que quand on me parle de tous les trucs derrière en disant, ouais, mais là, c'est quand même étonnant par rapport au futur, il raconte ça, et j'ai envie de dire, mais je sais pas, j'avais tellement l'impression d'avoir déjà vu ça, mais 10 000 fois, il n'y a aucune idée moins où je me suis dit, mais ce qui n'était pas grave, encore une fois, en voyant le film, mais j'ai aucune idée où je me suis dit, ah, ouais, là, c'est plutôt pas mal. Ça, j'avais jamais vu cette idée ou pas. C'est, j'ai l'impression d'être en terrain connu, conquis, je sais pas, mais en tout cas connu, et que ça m'apportait rien. Juste, et ce qui est déjà pas mal, le cinéma, c'est ça aussi, un bon spectacle. 1h40 où on ne s'ennuie pas forcément. Oh, je suis même pas sûr qu'il dure 1h40, il dure moins, je crois. Je suis même pas sûr qu'il dure 1h30. Je mets même plus long alors que c'est pour ça. Mais je suis pas, par contre, moi je l'ai vu il y a quand même 6 mois à Cannes et il m'est resté. Ok. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, donc mitigé, mais voilà, après, c'est ce qu'on dit souvent à ce micro, il faut quand même aller voir les films parce que faut que les films marchent. Hein, voilà. Migration. Ah, Migration, Benjamin Renner, le réalisateur. Alors, on ne vous a pas fait le résumé, je voulais faire résumé, mais c'est des films qui sont sortis, donc c'est facile à voir, hein, Sirocco, Mars Express. Là, on parle vraiment de films. Migration, Benjamin Renner, à qui on doit Ernest et Célestine, et le grand méchant Renard. Nicolas ne l'a pas vu, on est deux à l'avoir vu, donc on va voir. Alors moi, la question que je me pose Marie-Pauline, aussi, c'est est-ce que ça reprend un peu Gus, petit oiseau, grand voyageur, puisqu'on est toujours sur un film avec les oiseaux, et qui avait fait tout le développement visuel du film, s'il me semble. Alors c'est très drôle ce que tu dis, parce que je suis désolé, il n'est pas là, on ne devait pas le citer. Je sais que Francis Gavel, justement, fait la comparaison. En effet, Gus, sur lequel Benjamin Renner était pas parti, mais un peu, parce qu'il devait plus ou moins réaliser, je crois même, le film à un moment donné. Et la direction du film ne l'avait pas, je crois, lui avait pas, alors c'est sous réserve, hein, pardon, Benjamin Renner, je pense pas qu'il écoute Radio Libertaire, mais si jamais, voilà, je ne veux pas trop m'avancer par rapport à ça, mais en tout cas, oui, il avait déjà participé à ça, il aime bien les animaux de toute façon, hein, ces films sont vrais, et des oiseaux. Les volatiles, on va dire. Marie-Pauline, Migration, Benjamin Renner chez Moi, Moche et Méchant, chez Illumination, qu'est-ce que toi, tu en as pensé? Alors, moi, j'y allais en n'attendant pas grand-chose, hein, parce que, comme tu l'as dit, cette combinaison un peu bizarre de Benjamin Renner, d'Illumination, j'avais vu un peu des images et j'avoue que ça m'était un peu tombé des yeux, parce que c'est quand même de l'animation 3D pas très... Elle n'est pas complètement moche, c'est pas ce que j'appelle de l'animation 3D moche, vraiment ces trucs horribles qu'on voit à la télé parfois, mais c'est quand même pas très très joli, enfin, moi, ça me laisse un peu froide. Mais bon, j'y suis allée quand même par curiosité. Et alors, je dois bien reconnaître que j'ai pas été énormément surprise une fois que j'ai compris l'argument du film. Donc, c'est une famille de colverts qui part à l'aventure, alors que jusqu'à présent, ils étaient toujours restés sur leur petite mare où il ne leur arrivait rien. Et voilà. Donc, ils décident de suivre des oiseaux migrateurs qui sont venus s'arrêter là. Alors, ils partent juste entre eux en famille, parce que évidemment, ça aurait été trop facile qu'ils partent avec ceux qui ont l'habitude, parce qu'il leur serait rien arrivé, il n'y aurait pas eu de film. Donc là, ils partent tout seuls, sachant pas trop, etc. Il leur arrive plein d'aventures, ils font plein de rencontres. C'est exactement, là vous imaginez le film avec ce que je dis, ben c'est exactement ça, des rencontres, beaucoup de dangers, beaucoup de péripéties, donc on souffle pas beaucoup parce qu'il faut surtout pas que les enfants s'ennuient au cinéma. Je sais pas ce qu'il faut faire pour que les réalisateurs comprennent que les enfants s'ennuient pas si facilement et que des fois c'est bien aussi de faire un peu respirer. Il y a évidemment quelque chose entre un père et un fils avec un problème un peu à résoudre entre les deux. Donc de ce côté-là, du côté du scénario, franchement, il n'y a pas énormément de surprises. Après, il y a quelques très jolies idées. Il y a quand même quelques moments où on se dit « Ah ouais, ça c'est joli », une séquence de danse notamment que j'ai trouvé très jolie, assez poétique. Et puis... Et puis après, là, c'est la militante en moi qui parle. C'est-à-dire que c'est un film que moi, je peux emmener voir mes enfants parce qu'on n'y mange pas de poulet, si vous voyez ce que je veux dire. Et que le film se confronte à la question des animaux d'élevage, se confronte à la question du fait de manger les animaux et qu'en même temps, on les montre comme des personnages, des héros de films pour enfants et en même temps, on les mange. Et moi, je trouve que le film se confronte avec ça. Alors, il le fait de manière pas hyper... évidemment, pour le coup, c'est pas extraordinairement militant, mais quand même, la question est pas édulcorée, elle est quand même là, il y a quand même ce danger, il y a ce très méchant chef cuisinier qui mange, enfin qui cuisine des canards. Alors c'est une énorme caricature, évidemment, c'est voilà, parce que forcément il faut qu'il soit très méchant, parce que les gens très gentils ne mangent pas de canard, c'est bien connu. Voilà, donc évidemment c'est caricatural, mais n'empêche qu'il y a des petits trucs comme ça, et moi je me dis, les enfants à qui on montre ça, peut-être après ils vont réfléchir un petit peu, parce que les enfants sont très intelligents, et quand on va leur servir du canard, et ben ils vont dire eh ben non, je vais pas en manger, parce que c'est les personnages de ce film que j'ai vu, et je veux pas les manger. Et si rien que ça, ça marche, et ben moi je dirais, on n'a pas complètement perdu notre temps d'emmener nos enfants voir ce film. Ce serait intéressant de voir si tous les enfants qui ont vu Babe à l'époque ne mangent pas de canard. Je suis pas complètement sûr. Alors, bah c'est bien qu'on ait commencé par Marie-Pauline, et Dieu sait si Le Grand Méchant Renard est sûrement un film que j'adore, etc. Mais alors moi, n'étant pas militant comme Marie-Pauline, et malheureusement, désolé pour les auditeurs qui nous écoutent, mangeant de la viande, j'essaie de faire attention, promis, je vous promets, je fais très attention, et j'essaie de pas trop faire n'importe quoi, mais je comprends pas ce film. Je trouve ça tellement dommage que Benjamin Renner, qui avait fait des trucs tellement intelligents pour dézinguer un peu la famille telle qu'on la voit à la fois dans La Cécile et les Signes, avec cette espèce de duo, alors ça vient pas de lui, mais ce duo dans Le Grand Méchant Renard où on a deux papas, on a des choses comme ça, là on revient sur cette espèce de truc de famille, hein, avec le père évidemment, comme tu dis, qui a des problèmes avec son fils, la maman qui elle veut s'envoler alors que le papa veut pas, alors que ça pourrait être l'inverse, hein, c'est pas très important, on n'est pas dans un truc où on est ou ni féministe ni quoi que ce soit, ça va pas aussi loin que ça pour moi, c'est juste qu'il fallait trouver deux, bon aujourd'hui c'est ça, et sauf que évidemment quand même, parce qu'il faut pas déconner, ce qu'on croire, c'est non seulement on n'est pas féministe, mais c'est même un peu loin de là, parce que c'est quand même le papa à la fin qui récupère un peu tout et qui dit non mais regardez, alors c'est peut-être parce que je suis tatoué, ça m'a un peu agacé, mais j'avoue que le cuisinier plein de tatouages, avec évidemment la petite boucle d'oreille, le côté un peu hype qui fait des trucs et qui est complètement ridicule, qui fonctionne pas du tout, parce que il va courser un canard, alors que malheureusement il en a plein, en plus on le voit après, donc il a pas besoin de courser un canard. Tout est fait, on a l'impression, Benjamin Renner qui a un sens de rythme, alors c'est super dur, parce que quand on voit le début du film, on se dit, ah, il y a quelque chose, on est dans le cinéma de Benjamin Renner, il y a quelque chose d'un peu tranquille, d'un peu doux presque, caricatural, mais bon, il joue avec sa mise en scène, son rythme, et en fait, dès que le petit canard ado qui va tomber de la petite, ado, évidemment, qui vont se retrouver. Enfin, je vous dis la fin, parce que de toute façon, on s'en fout. Hein, tout est dit dans le film au départ. Et c'est vrai que c'est... Je pense, alors après, parce que je me suis dit, allez, je suis vraiment méchant, et c'est pas, et peut-être parce que c'est la déception de Benjamin Renner, donc j'ai voulu voir tous les films d'Illumination, et en fait, il n'y en a aucun qui m'est vraiment, comme je dis, à part peut-être Sing, le premier, qui était un peu rigolo, qui est là, mais... Tous me sont quand même plus ou moins tombés, en fait, un peu des yeux, comme on dit. Et c'est vrai que ça a été une... C'est pas une grosse exception, parce que comme toi, Marie-Pauline, je crois que j'en attendais pas grand-chose. Donc c'est ou l'un ou l'autre, dans ce cas-là, on est un peu plus surpris. Et on se dit, mais j'avoue, quoi, non, c'est un peu une... une incompréhension, on va dire. Et en effet, on parlait aussi des fois de parcours d'auteur. Et il y en a d'autrices, évidemment, il y en a aussi en animation. Et pour moi, c'est quand même une petite... un petit clou là dans la chaussure de Benjamin Renner, qui a un talent monstrueux, ça c'est une évidence, surtout dans le rythme, je crois que c'est pour ça que je suis déçu, je trouve que le rythme du Grand Méchant Renard est tellement exceptionnel, il y a tellement des choses qui sont notamment dans le premier segment évidemment qui est réalisé par Benjamin Renner, que là c'est une déception. Allez, avant de parler du Miyazaki, on va écouter un morceau qui s'appelle d'Elena Deland, je sais pas si je prononce bien, Bright Green Vibrant Grey, oh mon anglais est terrible. Nicolas. Bah, c'est une chanteuse canadienne, folk, assez traditionnelle. Nicolas. Et qui a une très jolie voix, un très joli timbre. Et voilà, donc comme tu le dis, c'est ce que j'aime quand ils m'envoient leur musique et quand j'en ai, je fais ah oui, ça a bien du mari. Encore une fois, c'est sûrement la même chose avec moi. Mais moi, je change un peu de groupe et de chanteur des fois. Donc, et paf, on écoute le morceau 4, Nicolas. Thank you. Voilà, on écoutait, pardon, Elena Deland, donc chanteuse canadienne proposée par Nicolas. Alors, Hayao Miyazaki, film génial, film moyen, film dans je sais pas, parce qu'évidemment quand on a un auteur comme ça, il faut forcément qu'on réfléchisse à tout reste de ses films. C'est difficile de le prendre évidemment en dehors. Est-ce qu'on dit à Marie-Pauline pour une fois plutôt que Nicolas de parler en premier, en première? Non, alors Nicolas, vas-y. Alors pour moi, c'est du Miyazaki. C'est-à-dire que globalement, je pense que les gens qui n'aiment pas Miyazaki, il y en a quelques-uns, vont pas aimer celui-là. Les gens qui adorent Miyazaki, à mon avis, pourront s'y retrouver. Je pense que c'est un film qui est peut-être, on va dire, plus à destination d'un public qui peut être plus jeune, par exemple, que Le Vent se lève, déjà, par rapport à celui-là. Mais c'est surtout un film somme, même si là, et pour la première fois depuis 25 ans quasiment, il a annoncé qu'il avait envie de faire un film au lieu de prendre sa retraite. Je sais pas s'il arrivera à en refaire un, on sait jamais, mais pour moi, là, il a fait son film somme, un peu un film testament, on va dire, quelque chose comme ça. Et je trouve qu'on retrouve vraiment tout ce que peut ce qu'a fait Miyazaki, c'est-à-dire que par moments on a l'impression qu'il prend des références un petit peu à ses propres films, même sans les citer directement, il y a toujours quelque chose, mais il y a toujours cet élément-là par exemple chez Shelby, où en fait quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on voit des personnages qui ont l'air de revenir sous des aspects un petit peu différents, comme s'ils réutilisaient des mêmes acteurs en les travestissant un petit peu d'un film à l'autre, et là c'est quelque chose qu'on revoit, et en même temps il y a toujours ces mêmes thématiques forcément qu'il va reprendre et qu'il a depuis ses premiers films, comme le rapport à l'air, à l'aviation, mais même ça c'est pas complètement l'aviation, on retrouve toujours ces mêmes éléments, mais on retrouve au début par exemple le Japon en flamme qu'on retrouvait dans Le Vent se lève, avec ce père qui travaille dans l'aviation. Il y a des éléments qui reprend quasiment de sa vie, même s'il change des choses, avec justement, là, lui a eu une mère très malade, là, la mère meurt dès le début du film. Il y a ce rapport à l'oiseau, justement, qui est toujours le rapport à l'avion aussi. Et j'ai l'impression aussi qu'il fait énormément de références à toute la littérature jeunesse qu'il aime. Alors, je sais pas si vous les connaissez, mais il avait fait un top 50 des livres en jeunesse, justement, à avoir lu, j'ai l'impression qu'on en retrouve quelques-uns, et en même temps qu'il va même encore plus loin avec des petites références par ce messier-là, qu'on voit pas nécessairement mais qui est toujours intéressant, et je pense que c'est un film qui est très bien à voir plusieurs fois. En fait, on va voir par exemple, c'est cette petite femme qui arrive, donc cette naine d'une certaine façon, avec un autre personnage qui arrive après dans un cercueil de verre, donc à la manière de Blanche-Neige aussi, où en fait on a l'impression qu'il reprend des éléments de conte, en plus cette jeune fille qui est dans le cercueil de verre à un moment, avant on la voit habillée avec une robe qui fait penser à Alice au Pays des Merveilles, un petit peu comme s'il s'amusait à reprendre énormément de motifs enfantins, et avec toujours ce même, on va dire, attrait presque pour des mondes à la fois un peu mystique, lié aux esprits, mais surtout aussi lié à la mort. Et là, c'est quelque chose qui revient. Il cite assez nommément la peinture d'Arnold Böcklin, justement, l'île des morts. L'entrée un petit peu dans un univers aussi, où en fait, on a un porche de porte, où en fait, il cite Dante. L'arrivée vers les enfers. Et donc, en fait, il y a énormément de petites références ci et là, mais qui sont pas forcément ultra marquées, parfois plus que d'autres, justement, où en fait, il va nous faire une espèce de périple d'un jeune enfant, justement, qui doit essayer, d'une certaine façon, de revivre. Et là, on l'a encore, cette citation, avec justement cette femme à un moment dans le royaume des morts qui fait « Ah, le vent se lève, il faut continuer, essayer de vivre ». Et en fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est un petit peu lui-même en tant qu'enfant, d'une certaine manière, qui, pendant la guerre ou juste après la guerre, doit essayer de vivre encore, de se retrouver et de retrouver d'une certaine façon cette espèce de sentiment de vie qui pourrait s'être éteint avec la mort de sa mère pendant la guerre. Et je trouve qu'on retrouve toutes les caractéristiques aussi de Miyazaki, de son cinéma en tant que vraiment film d'animation, qui sont justement très agréables à voir. Après, voilà, c'est un film qui est dense, c'est un film qui mérite, je pense, aussi d'être vu et revu. Mais c'est pas un film... je pense pas que ce soit le chef-d'œuvre absolu de Miyazaki, mais je pense que ça reste son film testament et que ça reste un excellent Miyazaki. Marie-Pauline, que dire après ça? Mais que dire après ça? Vous avez voulu me laisser parler en premier. Mais oui, parce que je savais que tu ferais ça tellement bien. Écoute, moi je suis d'accord avec, avec ce que tu dis. Évidemment, moi j'aime aussi beaucoup le film. J'avoue qu'au départ, il m'a un petit peu décontenancée, parce qu'il y a quand même un moment où j'ai eu l'impression qu'il en avait quand même plus grand chose à faire de son histoire et de son fil narratif, et que bon, voilà, c'était ce qui arrivait à son personnage. Voilà, il y a quand même des moments où je me suis interrogée sur certaines scènes en me disant, mais en fait, pourquoi cette scène était là? Et puis, en y réfléchissant, et puis en voyant surtout la fin du film, c'est pas tellement l'intérêt. Moi, je pense que ce que Miyazaki a fait, là, c'est qu'il nous a emmenés dans sa tête. Et ça, c'est quand même un truc absolument incroyable, de pouvoir aller dans la tête d'un créateur comme ça. Il y a quand même cet endroit avec toutes ces portes, là, et quand vous ouvrez une porte, vous tombez dans un univers. Si ça, c'est pas le cerveau du créateur... On aimerait bien ouvrir les autres. On voudrait trop qu'ils les visitent tous. En fait, c'était pas un film qu'il fallait faire, c'était une série, et à chaque fois, ils ouvrent une porte. Enfin, voilà. Donc moi, je trouve que le film me fascine à ce niveau-là, dans cette espèce de mise en abyme. Voilà, on peut imaginer d'autres choses aussi avec tout ce qu'il y a autour de la transmission ou pas, que je trouve assez amusante. Et puis, il faut quand même reconnaître que visuellement, il y a des choses qui sont vraiment très très belles. Et là, on n'est pas déçu par le film. Enfin, on reste vraiment dans certes ce qu'il a déjà fait, mais qui fait toujours très bien. Enfin, c'est quand même très très beau. Après, il y a aussi, comme tu le disais tout à l'heure à propos de Migration, il me semble, c'est aussi le genre de film où il oublie que les enfants peuvent s'ennuyer. Je pense qu'au début, il y a quelque chose qui est relativement lent, mais après, ça part vraiment dans quelque chose où il n'y a quasiment pas de pause. Le film dure 2 heures et il est tellement dense et tellement foisonnant, avec un rythme tellement soutenu, que ça en est presque étonnant, avec la fin qui est peut-être un peu abrupte, moi qui me convient parfaitement, mais qui peut, pour certains, peuvent trouver assez abrupte. Mais c'est vrai qu'on est dans un film où il oublie aussi peut-être qu'on a le droit de s'ennuyer et de prendre une pause et de respirer un moment quand même. Ouais, bon, je vais pas. Vous êtes, on a très bien parlé. Moi, la seule chose, et c'est pour ça que je parlais d'auteur, c'est que c'est vrai, ou d'autrice. Enfin, voilà, quand on suit un parcours comme ça, évidemment, le parcours de Miyazaki étant tellement impressionnant. Moi, j'avais tellement aimé Le Vent se lève, et je pensais que Le Vent se lève était ce film plus adulte, et j'aurais tellement aimé. Et je pensais que on finirait justement pas par un film somme, mais presque un film d'un jeune homme qui, d'un seul coup, d'un premier film, ou d'un seul coup, c'est je réinvente toute ma filmographie. Et c'est toujours le problème, des fois on veut des choses évidemment, et c'est tout à fait normal que le cinéaste ou la cinéaste n'a pas à nous donner, parce que la personne n'est pas là pour nous donner ce qu'on a envie, mais évidemment ce que elle ou lui a envie. Donc je pense que moi j'ai été, tout ce que vous avez dit est totalement vrai, j'étais un peu déçu je pense, parce que je m'attendais à avoir pas une suite du Vent se lève, mais quelque chose un peu d'un personnage, voilà, d'un certain âge, qui me disent à quoi ça sert de vivre, et à quoi ça sert finalement de se dire que la mort arrive, mais que c'est pas très grave, etc. Et qu'évidemment, c'est pas du tout ça, et qu'on est, après, évidemment, tout ce que vous avez dit est vrai. Ça reste évidemment du très très beau Miyazaki, avec des très très belles choses et des moments donnés qui sont assez merveilleux. Je pense qu'en effet, j'ai hâte de le revoir, je pense, une seconde fois. C'est toujours aussi ces gens dont on attend trop. Vous savez, c'est comme, je sais pas, prochain album de The National qu'on attendra. Non, mais vous savez, cette chose qu'on attend tellement, et que d'un seul coup, quand elle arrive, évidemment, on se dit juste ah, parce qu'on en veut toujours presque des fois plus, évidemment, et que c'est un peu, donc voilà. Mais vivement, j'espère qu'il aura, même si c'est malheureusement, le seul problème, évidemment, toujours de Miyazaki comme Ken Satoshi, c'est le fait de finir, et souvent il n'a pas le temps de finir son storyboard avant il commence le film avant que le storyboard soit fini, et donc on croise les doigts, parce que Ken Satoshi, on verra jamais son dernier film, parce que comme le storyboard n'est pas fini, personne évidemment veut finir le storyboard du maître. C'était déjà le cas pour Ken Satoshi. J'ose à peine imaginer si Miyazaki n'arrive pas à terminer ce film. Évidemment, là, personne n'oserait mettre les... Peut-être Suzuki, parce qu'il est assez fou et voilà pour ça, mais je pense pas que personne n'oserait faire ce genre de choses. On va faire une petite pause, non pas la musicale, mais on va écouter. Alors, Nicolas, on va écouter ce qui s'appelle PL Grandjean, tout à la fin, 15-12-2023. 15-12-23. Est-ce que tu vois, il y en a deux? Oui. C'est le premier. C'est pas celui-là, il y a un petit tiret avec le 2. J'ai supprimé une de mes questions que je trouvais idiote. Tu trouves? Super. Attends, juste avant de lancer. Juste Marie-Pauline Tunis, donc on a eu la chance, Yves Bouvray d'Amstralien Productions nous a amené hier avec quelques personnes donc à Cyclic, cette résidence où on peut tourner, et donc où Pierre-Luc Grandjean, donc réalisateur du Loup Blanc, des Quatre Saisons, de Léon pour les gens qui ont vu les Quatre Saisons, La Grosse Bête, enfin voilà, les petites escapades, tous ces films-là, est en train de préparer son nouveau film Les Potes de la Nuit. Sur l'écran d'épingle. Et oui, sur l'écran d'épingle. Alors, pour resituer l'écran d'épingle quand même, parce que nous, on en parle comme d'un vieil ami maintenant. Mais... Donc, l'écran d'épingle a été inventé par un réalisateur russe qui s'appelle Alexandre Alexeïev, avec sa compagne Claire Parker. Et l'histoire veut que Alexeïev était graveur et qu'en fait, un jour, en lisant un entrefilet dans le journal, il a vu qu'un réalisateur... qui est Bartosz, préparait un film inspiré de gravures sur bois. Et donc, il s'est dit, mais comment se fit-il que moi, qui étant si pauvre, ai dû inventer tellement de techniques de gravure, c'est à moi, en fait, d'inventer la gravure animée. En fait, il a été piqué au vif en se disant que quelqu'un d'autre allait le faire à sa place. Bon, rassurez-vous, c'était pas le cas, parce que le film de Bartosz, il n'est pas en gravure animée. Mais du coup, voilà, il a eu ensuite ce désir, cette volonté d'inventer une technique d'animation qui permettrait d'imiter, en quelque sorte, la gravure. Et donc, il a inventé ce fameux écran d'épingle, qui est, comme son nom l'indique, un écran dans lequel il y a des milliers d'épingles qui sont piquées, qui coulissent à travers un petit tube. Et alors, je suis très très loin d'être une spécialiste, mais selon si vous avancez les épingles d'un côté ou de l'autre, ça va créer sur l'écran des zones d'ombre ou des ombres plutôt claires de lumière, pas de blanc, parce qu'on ne peut pas avoir de blanc parfait, mais en tout cas des nuances de gris, on va dire. Donc vous imaginez, c'est vraiment comme de la gravure. Et ça fait des images très très belles, qui ressemblent... à aucune autre technique, en fait. C'est vraiment un truc très, très particulier. Et il se trouve qu'il reste deux écrans d'épingle Alexeïev Parker encore en activité. Il y en a un à Montréal et on a la chance d'en avoir un en France. Donc, c'est cet écran qui s'appelle l'Épinette, qui est le dernier qui avait été créé par Alexeïev et Parker en 77, et sur lequel, depuis quelques années, des films sont faits à nouveau. Pendant des années et des années, on ne faisait plus de films en écran d'épingle en France. Et là, depuis... je ne sais pas, moins de 10 ans, n'est-ce pas, hein? Ça fait même... C'était 2015, la restauration. Ouais, restauration 2015. Donc, 2016, voilà. 2017, non, l'atelier, 2015, il me semble l'atelier. Que c'est 2015. Ouais, c'était 2015, 2015 à l'atelier. Mais le temps que les films soient faits, il y a fallu quelques années. Le premier, c'est 2018. C'était Étreinte de Justine Huysteker. Cette année, on a vu La Saison Pourpre de Clémence Bouchereau. Du coup, si vous voulez vous faire une petite idée, allez sur le site d'Arte, puisque La Saison Pourpre... est en ligne sur le site d'Arte, donc vous pouvez voir à quoi ressemble un film fait en écran d'épingle. Et puis il y a les films qui sont sur le site de l'ONF. Et il y a les films, les historiques, certains, sur le film de l'ONF. Vous pouvez trouver les films d'Alexeïev Parker sur YouTube, en cherchant, on les trouve. Mais ce qui est formidable, vraiment, moi, ce que je trouve la magnifique conclusion de cette histoire, qui est un peu longue, pardon, c'est que donc, l'écran d'épingle, comme je disais, il en reste deux. Les autres qui restent, on ne peut plus les utiliser, ils sont dans des musées, enfin, c'est des objets de musée. Mais il y a un inventeur un peu fou qui s'est dit que ce n'était pas possible en fait, de laisser ça comme ça. Il s'appelle Alexandre Noyer. Et il a décidé de recréer des écrans d'épingle il y a quelques années. Et il a réussi à trouver une technique. Alors, ce n'est pas l'écran d'épingle Alexeïev Parker. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas la même technique. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais toujours est-il qu'il a fait ça. Et il a permis, en fait, une démocratisation de cet outil qui était un truc hyper élitiste, puisque l'outil qui est en France... Il y a eu une sélection pour trouver des réalisateurs qui auraient le droit de l'utiliser. Comme c'est très très long de faire des films avec, ils sont très peu nombreux. Quand on aura fini avec la première sélection de réalisateurs et de réalisatrices, peut-être il y aura une nouvelle sélection. Enfin, toujours est-il que vous et moi, jamais on peut toucher un écran d'épingle. Et Alexandre, il s'est dit que c'était pas normal. Et je trouve que c'est vraiment une super belle conclusion à ça, parce que grâce à lui, il y a des tas de gens qui ont touché des écrans d'épingle, qui ont fait des films dans des cadavres exquis, dans des ateliers. Et par ailleurs, il en a vendu dans le monde entier maintenant. Il y en a au Japon, il y en a deuxième au Québec. Je ne peux pas vous dire tous les pays, je crois qu'il y a en Europe de l'Est. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a vendu quelques écrans d'épingle, il a une autre idée qui est encore plus belle, c'est qu'il s'est dit c'est cher quand même ces écrans d'épingle. Et donc du coup, il propose des écrans d'épingle en kit, qui sont moins chers, donc qui sont encore plus abordables pour des réalisateurs ou des réalisatrices qui n'ont pas des énormes moyens, ou qui ne sont pas des structures, parce que quand on est une structure, on a toujours plus de sous. Et vous recevez le cadre, tout ce qu'il faut, toutes les instructions de montage et les épingles, et vous les montez vous-même. Parce que Alexandre, c'est ce qu'il fait, en fait, quand il fait des écrans d'épingles, et j'avais arrêté là, pardon, mais je trouve ça tellement joli. C'est qu'en fait, il fait des apéros épinglés. Donc, il invite quelques amis, on boit à l'apéro, on mange des petites choses. Et puis, en même temps, on met les épingles dans les petits trous. Parce qu'apparemment, c'est très facile. Ça ne demande pas une technicité particulière. Hop. Juste pas trop se piquer les doigts, j'imagine. Surtout que lui, apparemment, pour lui, je crois qu'il n'y a pas besoin de graisser les épingles comme c'est le cas. Exactement. C'est pas le même système. Il n'y a pas les tubes et il n'y a pas cette graisse-là. La vaseline, ils mettent notamment pour qui rend des choses très compliquées. Et puis, en même temps, je trouve ça plus joli parce que, d'une certaine façon, les gens créent leur écran d'épingle, ils donnent naissance vraiment à l'écran d'épingle, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait pour eux et eux qui récupèrent juste un produit fini d'une certaine façon, ils participent à la naissance de leur écran. Et ça, voilà, moi ça me fait rêver parce que Alexandre, c'est un anarchiste, il veut que tout le monde ait accès aux choses et il veut pas que ce soit élitiste, et ça moi je trouve ça très beau, voilà, merci Alexandre. Et donc on écoute Pierre Lugrangeur, le son est vraiment un petit peu faible, on l'a fait dans la grande salle de Cyclique, encore merci à Cyclique et à Yves Bouvray d'Amtrain Production, et bien sûr à Pierre Lugrangeur de nous avoir permis ce petit moment, donc un quart d'heure avec Pierre-Luc, on écoute. De communiquer par rapport à l'écran d'épingle, tu t'es dit c'est absolument pour moi, t'as une hésitation, comment... Alors en fait je connaissais déjà l'écran parce que on avait coproduit des films avec l'ONF, les 4 saisons de Léon. Et quand j'étais allé pour les mixages, les étalonnages, du coup je suis allé 4 fois, et il y avait déjà Michel Lemieux qui travaillait sur l'écran, et il y avait aussi Jacques Drouin qui... à un moment j'étais invité à un festival à Rimouski, et lui faisait une conférence, enfin 2 jours de formation sur l'écran, le mini-écran, et j'avais pu un peu... j'avais pas pu assister à la vraie formation qu'il avait faite, mais je l'avais rencontré, et puis j'avais pu toucher... Donc j'étais déjà curieux de cet objet. Je ne pensais pas avoir l'occasion un jour de travailler dessus parce que l'écran était au Canada, il n'y en avait qu'un à l'époque. Et de toute façon, il y avait des gens qui attendaient... Michel Lemieux n'allait pas lâcher l'écran d'épingle comme ça. Donc je me dis, bon, c'est un truc génial, mais je n'avais pas imaginé pouvoir faire un film un jour dessus. Et c'est vrai, quand j'ai vu l'annonce du CNC, je me dis, ah oui, il faut que j'essaye. Après, je n'étais pas sûr d'être pris parce que j'avais jamais trop fait de films déjà en 2D. Et là, heureusement, c'est Michel m'a dit après, c'est grâce à un autre film que j'ai fait que j'ai été pris grâce à un film qui s'appelle Je ne fais que passer, qui était sur la grotte Chauvet et que j'avais fait sur plâtre. Donc, où, pareil, il y avait une plaque de plâtre sur une table avec l'appareil photo au-dessus, et donc je gravais dans le plâtre et puis je venais redessiner et ainsi de suite. Donc, on était plus proche d'une matière écran, en tout cas, ou un dessin qui se transforme comme ça. Oui, c'est intéressant, je fais que passer, il y a déjà ça, cette idée de. Je sais pas d'ombre qu'on peut avoir, mais en tout cas de choses qu'on découvre, qu'on devine, un peu comme dans l'épingle. Oui, il y a un petit peu de ça. Alors, c'était assez différent quand même, parce que je partais des dessins de la grotte Chauvet, donc il y avait quelque chose de... En tout cas, oui, sur la texture et puis les traces que ça laisse, il y avait quelque chose de ça, oui. Tu te souviens du premier contact avec l'écran ? T'as eu lors de cette formation ? Ouais, je me souviens, j'étais parti d'un écran noir. Je crois que j'étais le premier à passer dans le... Je sais plus comment, on avait peut-être tiré au sort, parce qu'on a fait un mini cadavre exquis, en fait. Donc pendant cette formation qui durait 3 jours, on a eu l'écran 1h30 chacun, donc on passait l'un après l'autre et on récupérait l'image. Donc en étant le premier, moi j'avais l'écran tout noir, et j'ai fait une ouverture de porte et un personnage qui sort, voilà. Et puis c'est tout, mais en fait en 1h30 j'ai dû faire une seconde à peine, je sais plus, enfin c'est très court. Et encore, je pense que c'était déjà rapide, mais... mais oui, c'était intimidant, parce que aussi tout le monde nous regardait, et puis on restait aussi pour regarder les autres après, en tout cas une partie du temps. Mais intriguant. Et c'est suite à cette formation qu'on a demandé à Jean-Baptiste et Sophie, Jean-Baptiste Garnero et Sophie Le Tétour, si on pouvait avoir plus de temps pour tester l'écran, parce que là, la formation était super, mais on avait besoin d'avoir plus de contact direct avec l'écran, pas juste 1h30, pour savoir si on voulait s'engager dans quelque chose de plus long. Et ils ont été d'accord de nous le prêter 1 mois chacun. Donc c'est comme ça que ça s'est fait après. Marie-Pauline ? Oui, et bien justement, pendant ce mois, tu as travaillé sur un autre sur un autre projet. Et c'est ça qui t'a convaincu qu'il fallait faire vraiment un court-métrage d'envergure avec... Oui, ça m'a convaincu. Alors, c'était marrant pour... c'est un film, finalement. Enfin, j'ai fait un mini-film qui dure à peine 2 minutes, qui s'appelle Le Chien. Mais quand j'ai commencé... Enfin, j'ai fait 2 fois 15 jours, en réalité. C'était comme ça que ça s'est divisé. Mais les premiers 15 jours, j'ai fait un long plan, mais... fallait bien que je filme quelque chose. J'ai un gamin qui va à une fenêtre, puis qui regarde en bas, qui voit un chien. Donc, et tout ça, c'était un long plan séquence, donc avec des transformations, l'écran qui était blanc, qui devient noir, et puis... Enfin, c'était l'inverse, d'ailleurs. Et puis, un travelling où on descend jusqu'au chien. Enfin, du coup, ça me permettait de tester des choses, comment gérer... un travelling, justement, ou comment on passe d'un décor à un autre sans cut. Ce genre de choses. Et puis petit à petit, il s'est construit une histoire. Enfin, vu que j'ai eu du temps entre les deux fois deux semaines, là, ça m'a dit, j'ai fait ce long plan qui faisait 40 secondes. Donc, ce serait pas mal d'avoir quelques plans avant et après pour faire comme une mini-histoire. Donc, c'est devenu comme ça. Enfin, l'histoire s'est créée comme ça. Et après, oui, effectivement, j'ai dit, c'est génial comme outil. Ça me plairait bien d'écrire quelque chose de plus long, de plus... conséquent pour... Mais oui, c'est vraiment ce mois m'a décidé, m'a convaincu. J'étais déjà assez convaincu, même avec l'1h30, là. Et puis en voyant les films qui avaient déjà été faits, en voyant tout ce que ça permettait de faire, c'est... Et dans quelle mesure l'écran a vraiment dicté cette histoire et ce scénario, comment ça s'est fait? Alors... Donc le film se passe de nuit, une nuit de pleine lune, donc je pense que j'ai vu le quand même, on peut très vite avoir des ambiances vraiment, j'en parlais un peu, de comme les gravures, la manière noire, donc où c'est vraiment des clairs-obscurs. Et ça permet de dessiner comme ça en masse de lumière, en ombre, avec une variété de gris énorme. Et puis avoir des contrastes magnifiques, quoi. Donc je me suis dit, ouais, là, une forêt de nuit, mais je sais pas à quel point, je l'ai pas réfléchi consciemment, ce truc-là. Parce que l'histoire là, des boîtes de la nuit, j'avais envie cette histoire qui commence un peu comme elle finit, où on a un enfant qui sort de chez lui, et puis à la fin, il rentre chez lui. Et puis le reste, c'est sa promenade en forêt. Et c'est vrai que... À quel point l'écran m'a influencé, je ne sais pas, pour écrire l'histoire. Par contre, je sais que pour la mise en scène, là, je l'avais clairement en tête. Et j'ai prévu tout mon storyboard en fonction de l'écran. Je savais qu'est-ce qui était faisable, et du coup j'ai pas mal de transformations, de décors, sans cut justement. On a le gamin qui est dans le champ, et puis d'un seul coup il est en forêt, enfin la forêt apparaît autour de lui. Ce genre de truc, je savais que ça serait tout à fait faisable avec l'écran, et puis effectivement c'est des plans que j'ai pu faire, et que j'aime bien. C'est bien. Il y avait des choses qui n'étaient pas faisables? Alors oui, il y a un plan... pardon pour ceux qui sont là, je répète. Mais il y a un plan que je n'ai pas fait. Sûrement, ça aurait été faisable. Mais je me suis dit que c'était un trop gros défi. Surtout que j'ai un peu tourné dans l'ordre et il arrivait assez vite dans le déroulement du film. Si je devais le faire maintenant, peut-être je m'en sortirais. Mais j'avais un plan de plancher... avec une entrée de lumière de la lune, avec des feuillages l'ombre de feuillages. Et l'enfant devait rentrer dans cette lumière, donc en commençant par ses pieds, et puis petit à petit la lumière monte sur lui en même temps que lui avance, jusqu'à ce que ça arrive sur son visage en gros plan, avec l'ombre du feuillage sur lui. Et je me suis dit, oula, je sens que ça va être très compliqué, que j'allais y passer vraiment longtemps, alors que le plan n'était pas si long, et j'avais quand même un temps... Je m'étais donné le rythme des 3 secondes par jour, et là, je pense que j'aurais été hors des clous. Donc, j'ai fait un autre plan que j'aime bien aussi. Donc, trouver des solutions pour simplifier, parfois, c'est pas mal. Ce qui est étonnant, on a eu la chance donc, d'être voir aujourd'hui une grande partie du film, c'est très contemplatif. C'est quelque chose que tu voulais faire, en effet. Et c'est même étonnant, parce que quand on regarde les films d'avant... Jacques Drouin, évidemment, mais même Michel Lemieux et son dernier film va être comme ça. Il y a beaucoup de métamorphoses, beaucoup de transformations, alors que toi, il n'y en a quasiment pas. C'était quelque chose là qui était important pour toi. Ouais, mais en fait, après, je pense que l'écran s'adapte au réalisateur ou à la réalisatrice qui l'utilise. Et finalement, moi, je suis resté dans l'univers dans lequel je me sens bien, donc la forêt. Alors, il y a un peu des monstres, des bêtes étranges et des trucs comme ça, mais j'ai pas changé l'histoire ou j'ai pas cherché à faire un film de transformation, en tout cas, parce que j'allais utiliser l'écran. Donc, j'ai plus utilisé l'écran dans sa force, justement, de... Enfin, on a une profondeur... évidente avec l'écran, enfin on peut en tout cas, donc la forêt, l'intérieur de la forêt, je savais que j'allais pouvoir y donner cette chose-là que j'aime bien, moi, c'est qu'on sente. Enfin, le décor avait une vraie importance dans ce film. Donc, et je savais que l'écran était le bon outil pour évoquer cette forêt telle que je l'avais en tête. Est-ce qu'on a de nouveau un réalisateur apaisé? La grosse bête était, parce que vous pourrez presque dire c'est la petite bête, c'est un peu facile. Mais il y a ce film un peu qui est sur la peur, évidemment, sur ce qui peut se passer dans notre monde autour de nous. Et là, on est vraiment dans un monde où on a l'impression qu'on a envie que l'imagination réponde enfin à nos questionnements. Ouais, je ne pourrais pas dire que je sois apaisé. Hein, ce qui se passe. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je fais ce film-là, un truc plus calme et plus serein. Vu tout ce qui... Ouais, c'est une drôle de période, je trouve, quand même. Donc, c'est vrai que là, il y a un univers contemplatif, ouais. Moi, je pense que si on contemplait plus le monde, le monde se porterait mieux, plutôt que de l'exploiter. Et puis, l'invisible, je suis désolé, je vais te ressortir cette référence, bon, qui est une belle référence, c'est l'horizon dans le brouillard de Nordstein, auquel je trouve on pense, et il y a cette envie, il y a même à un moment donné, il y a l'arbre qui pourrait être ce fameux plan, enfin, et il y a ce plaisir aussi de voir, je ne sais pas si c'est l'invisible, mais en tout cas, en effet, comme tu dis, de regarder finalement ce qui est autour de nous. Alors, on dit souvent avec des yeux d'enfant, mais en tout cas avec des yeux de l'imaginaire, de l'imagination. Ouais. Oui, il y a de ça. C'est vrai que Nordstein, entre autres, son petit loup dans le conte des contes, ouais. Que j'adore, et j'avoue qu'il m'a sûrement influencé pour faire la petite bête. Et puis oui, le hérisson dans le brouillard, bien sûr. Bah après, il y a cette douceur-là dans ces films qui sont contemplatifs, finalement, même s'il se passe des choses. Et puis, il y a des petits moments... Enfin, c'est plus angoissant, le hérisson, que quand il est perdu, là, dans le brouillard, justement. C'est un peu stressant. Je pense que c'est presque plus tranquille de la nuit dans ce qui lui arrive au gamin. La bête est un peu plus angoissée. pardon, je ne sais plus si je réponds à ta question. Non, mais c'était juste... C'était dans cette idée d'imaginer. Enfin, je trouve que le film joue beaucoup là-dessus, finalement, et sur le fait de regarder, comme tu dis hein, très bien, au-delà de regarder cet enfant qui, d'un seul coup, veut croire au loup-garou. Les adultes, on ne va pas trop en dire, hein, les gens verront, mais qui rigolent par rapport à ça, et d'un seul coup, de se supprimer toute cette imaginaire, cette imagination qu'on avait dans un monde qui se veut très réaliste aujourd'hui, et de retrouver ça. Ouais. Et en même temps, de ne pas jouer justement, pardon, je complète, de ne pas jouer sur ce côté un peu suspense, anxiogène. Ouais, et finalement, j'avais déjà joué là-dessus dans Petite Escapade, donc c'est mon premier film où je prenais un peu à contre-pied ce qui est souvent dans la forêt, où c'est dans la forêt qu'on va trouver les monstres et les loups et les vampires. Enfin, les vampires, je ne sais pas d'ailleurs. Mais là, au contraire, ou en tout cas, oui, il y a Hansel et Gretel, il y a les sorcières, il y a tout un tas de monstres de forêt comme ça. Et là, moi, mes forêts, en général, c'est plutôt des endroits sympas. J'ai souvent dit, moi, j'ai grandi moi-même dans une maison qui était entourée de forêts. C'est vrai que c'était mon quotidien, donc c'était pas là que était le danger potentiel, en tout cas. J'étais tellement habitué. Donc il y a un peu de ça dans les bottes de la nuit ou dans Petite Escapade. C'est une forêt qui est plutôt sympa, quoi. Et puis je ne suis pas fanat des vrais méchants. Il y en a rarement dans mes films. Ou alors quand c'est des vrais méchants, c'est les méchants qu'on a créés nous-mêmes. Donc dans La Grosse Bête, justement. Ouais. Là, ça devient des vrais méchants, ouais. Ouais, puis les adultes ne sont pas méchants, mais sont tout le temps un peu décalés, finalement. Ils ne comprennent pas forcément... Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas, mais en tout cas, il y a... Oui, peut-être dans Les Bottes de la Nuit, je pense qu'ils sont plus sympas que dans d'autres, d'autres de mes films. Ils sont entre adultes, quoi. Et puis, le gamin, il ne s'en occupe pas trop à ce moment-là, mais ce n'est pas par méchanceté. Ils l'ont même permis de rester 5 minutes de plus, apparemment. C'est ce qui est dit un peu dans les dialogues de début, avant qu'il aille se coucher. Donc, non, là, je pense qu'ils sont assez... Enfin, je les vois assez complices... En tout cas, ils pourraient participer, sauf que là, ils ont des invités et ils sont pas... Ils sont ailleurs. Ouais, ils sont ailleurs. Il y a un moment donné qui est super touchant, je sais pas si on peut parler parce que les gens... Mais on va pas dire ce qu'il en est exactement, mais c'est le moment où ils se regardent et le petit garçon comprend l'idée du monstre et appelle. Et ce moment est super touchant. Comment tu l'as mis en place? Comment il s'est créé ce moment? Il y a un moment où c'est le regard de la bête, en fait. Il y avait le choix, parce que je réfléchis à ce plan. Il aurait pu regarder l'enfant et baisser la tête. Et en fait, je fais l'inverse. Parce qu'il a déjà la tête baissée, il regarde l'enfant. Et je pense que c'est ce qui change... Enfin, ce qui m'a intéressé, justement. Parce que c'est ce regard un peu larmoyant... qui semble supplier, mais non, on t'en va pas, qui me plaisait bien, mais je le trouve drôle. Il est à la fois, enfin, moi j'essaie qu'il soit un peu drôle parce qu'il est tellement suppliant et malheureux que je l'ai montré 2-3 fois et j'entends des petits rires aussi parce que justement, il en fait tellement des tonnes qu'il en devient un peu. La voix? Et définitive, c'est la voix. Ouais, c'est la voix de la. Comment tu l'as choisi ça parce qu'elle fonctionne pas? C'est bien. Bernard Bouillon avec qui j'ai déjà travaillé sur les 4 saisons de Léon. Il faisait Boniface. Et puis il a travaillé à lui avec Jean-Luc Gréco et Catherine Buffat. C'était la voix off de La Bouche Cousue. Donc c'est un comédien qui travaille depuis longtemps, hein, quand même. Et puis il est aussi dans le dernier film d'Éric Monchaux. J'ai trouvé une boîte. Donc... qui s'est tournée ici, donc on est acyclique. Ouais, c'est acyclique. Ouais. Et c'est une voix que j'adore, moi, parce qu'il a... Il a sans, enfin, c'est sa voix naturelle, quoi. Je trouve qu'il a une voix qui sort des normes de l'humain, un peu. Ah, ça va être bientôt l'heure. On va devoir avouer. Enfin, du coup, je voulais pas une voix qui soit trop humaine. Et je trouvais que voilà, lui, ça collait, quoi. Ben, il est humain, clairement, mais il a ce petit truc décalé, en tout cas, qui fait que je trouve que ça passe bien pour une bestiole, une petite bête comme ça. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci aussi, Yves. Merci, Cyclique, pour la présence. Merci. Et oui, il y avait du public. Il y avait donc voilà, donc Pierre-Luc Grangeon, encore une fois merci à tout le monde, Cyclique, Amstramgram, Production, pour avoir fait ça. Et puis le film va se terminer en mars. Et on l'aura septembre l'année prochaine, en tout cas au PIAF. Mais j'espère en tout cas. Et puis voilà, dans d'autres festivals d'ici là. On dit un petit mot quand même sur Stop Motion. Robert Morgan par Richard Morgan. Est-ce qu'on laisse le fan en parler avant et sa mauvaise foi ou est-ce qu'on en parle? Non. Robert Morgan, c'est un réalisateur absolument incroyable qui a fait notamment un film qui s'appelle Bobby Yeh, qui l'a mis un peu en hauteur. Moi, il a fait sûrement l'un des films les plus étonnants sur l'animation. C'est un film que je montre tout le temps, qui a une vocation, qui pour moi raconte un peu ce que c'est l'animation. Ces gens qui se prennent pour des dieux, des déesses et qui mettent la vie dans un personnage. Et donc, j'avoue que j'attendais avec grande impatience ce premier long métrage, Stop Motion, mi-prise de vue continue, mi-animation. C'est quelqu'un qui est passionnant à parler avec lui parce qu'il a les mêmes références que les fans d'horreur, certains fans d'horreur, Basket Case, enfin Enfin Lotter, tous les films des années 70, 80 ou 50, tous les films avec des monstres, The Brain for Planet Earth, enfin des choses comme et ça. Moi, je me rappelle qu'il m'avait dit que son film préféré c'était Le Locataire de Polanski et que c'était un fan absolu de Roland Topor. Voilà, c'est ça. C'est donc tout ce qui est plutôt glauque, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ce sens-là. On va pas se mentir, ça. Son héroïne, qui a un petit côté de l'héroïne de Suspiria, d'Argento, il y a un petit côté... On regarde un petit peu du côté d'Argento, regarde un petit peu... Après, c'est un peu dur, parce que c'est le premier long-métrage, c'est toujours compliqué de faire un premier long-métrage. Je trouve qu'il enfonce un peu des portes ouvertes, ça va pas, malheureusement. On parlait tout à l'heure de Mars Express, qui réinvente pas. Robert Morgan ne réinvente rien non plus par rapport à l'horreur. Ce qui est dommage pour quelqu'un qui aime autant l'horreur que ça. Les questions étaient mignonnes à la fin, d'ailleurs, je restais un petit peu... Il y avait des questions à la fin sur... est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous aimez bien Cronenberg? Est-ce que vous aimez bien Jean-Luc Meyer, qui était... Et en effet, le problème, c'est que c'est tellement un patchwork. Alors, l'actrice est plutôt bien, elle fait bien son rôle. On parlait d'incohérence, alors souvent ça m'agace encore plus quand c'est de la science-fiction, l'horreur, les incohérences que truc, parce qu'on se dit non, justement, il faut avoir une base assez solide, on va dire, pour pouvoir construire ensuite des choses. Et là, il y a quand même des choses avec cette petite fille, hein, qui est un peu insupportable d'un moment donné. Alors, on vous en dit pas trop, c'est un film, on sait pas s'il va sortir un peu, mais moi j'avoue que j'ai été déçu. Les scènes d'anime sont très bien, comme Robert Morgan sait bien les faire, Nicolas Tisse va vous dire tout à l'heure qu'en fait, non mais quand même, c'est sale à la fin, il y a des choses dont on a déjà parlé, je suis pas complètement d'accord, je trouve que ça reste très propre, mine de rien. Alors, c'est sa volonté, et je trouve qu'il y a une trop grosse évidence de dire dans l'animation ça c'est sale, alors que l'autre c'est propre, mais c'est normal, parce qu'on est dans sa tête, dans un coin, enfin, etc., etc. En fait, je crois que j'aimerais voir parce que je pense que ce film serait glauque. J'aurais aimé voir le film qu'ils sont en train de préparer dans le film, avec cette espèce de monstre, cette petite fille, qui est juste effrayant comme pas possible. C'est du Lynch, mais en encore plus effrayant. Et je crois que j'aurais adoré voir plutôt ce film-là, plutôt que le long métrage. Marie-Pauline, avant de laisser la place à Nicolas. Avant de laisser parler le fan absolu. Non, moi je suis assez d'accord. J'étais déçue aussi parce que, alors je suis pas du tout une connaisseuse de Robert Morgan et je suis pas une spécialiste non plus de films d'horreur, mais en fait en voyant un peu le début du film et un peu l'argument qui est cette jeune femme qui anime pour sa mère qui est handicapée, qui est une grande réalisatrice d'animation, donc elle anime à sa place les personnages de son dernier film en volume. Et en fait, au début, je me suis dit, ça va être le truc avec la mère et ça va vraiment vriller. Parce que la mère, elle est quand même assez odieuse, elle est très exigeante, elle est très control freak sur sa fille et tout ça. Et puis en fait, le film part dans autre chose et vous pouvez un peu vous imaginer autour de la réflexion sur la création, sur le rapport entre le marionnettiste et la marionnette et ce genre de choses. Et en fait, je trouve que de ce côté-là, je suis assez d'accord avec Alexis. Moi, j'ai pas été trop surprise par où nous emmenait le film. Je trouve qu'il met vachement longtemps en plus à nous y emmener. Je pense que ça aurait pu faire un court-métrage, un moyen-métrage, disons. Mais là, c'est peut-être un petit peu long sur une heure et demie. Et voilà, et j'étais un peu surprise de voir que ce qu'il racontait était aussi peu surprenant dans la thématique. Alors, je suis d'accord sur les scènes d'anime qui, pour le coup... Il y en a une que je trouvais super effrayante, effectivement. J'aurais adoré aussi voir le film qu'elle réalise avec ses personnages. Tu dis le monstre, mais même la petite fille, elle est hyper effrayante, en fait. Donc, voilà. Et je pense que j'aurais préféré, effectivement, que le film joue peut-être plus là-dessus. Et moi, j'étais déçue que, finalement, c'était la prise de vue continue qui prenait le relais avec des trucs... des gens qui frappent à la porte et on a peur. Ah, qui sait. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on a vu ça 10 000 fois, même si, encore une fois, je suis pas du tout une spécialiste de films d'horreur. Et juste, promis Nicolas Destal la parole, mais juste parce que c'est ça qui est fabuleux dans Robert Morgan, c'est qu'en fait, c'est très organique, très tactile, donc il a vraiment un cinéma, et en fait, qui nous explique pas, donc on sait pas trop, alors que là, quelque part, alors désolé, de toute façon, le temps qui sort, le temps que vous voyez, j'espère que vous l'aurez, voilà, oublié, mais d'un seul coup, c'est une petite fille, donc on sait pas trop, donc en effet, merci d'avoir raconté l'histoire, il y a cette histoire, et puis il y a une petite fille, donc qui va essayer de rentrer, alors, encore une fois, réelle ou pas, on le dira pas, mais en tout cas, qui dit, mais non, moi, j'ai un meilleur film à faire par rapport à la mère, etc., etc., et en fait, on est dans le glauque, mais on nous le montre, ah, et si tu le faisais plutôt avec de la viande? Ah, si, le faisait plutôt avec un renard mort. Et on nous le dit, alors qu'en fait, on n'aurait presque pas besoin, parce que justement, il y a quelque chose de glauque à la base, en glauque, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, quelque chose de vraiment malsain, d'étrange, de bizarre, très malaisant. Et que là, le fait qu'on nous montre, le fait qu'elle soit obligée de découper, qu'elle nous montre cette viande, qu'elle nous montre, finalement, moi, m'enlève le truc en disant, ah oui, bon ben, oui, d'accord, c'est comme ça. Et c'est très dommage, je trouve, qu'on nous met presque derrière, qu'on nous montre, alors c'est un making-of, hein, on est en train de le faire au film, mais qu'on nous montre presque ça, plutôt que peut-être de jouer sur des petites touches. On aurait presque pu voir juste des petites choses découpées ou des choses comme ça. Il va presque pas assez loin quand elle se met le truc à la fin dans le jambe. Elle se découpe la jambe. Désolé pour les gens qui n'aiment pas l'horreur, mais se découpe en vrai. Moi, je pensais que ça allait devenir vraiment, mais absolument horrible. Et ça l'est pas, ça cut. Enfin, donc. Oui, à ce moment-là, il n'utilise même pas l'animation, alors qu'il y aurait eu moyen de faire un truc complètement dingue, en fait, en basculant dans l'animation. Allez, la parole est à la défense. Allez, vas-y. Non, mais alors, par contre, moi, c'est quelque chose aussi. Alors, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Alors, je veux dire, au niveau du scénario, c'est-à-dire que c'est très classique. Pour moi, c'est vraiment pas non plus un scénario qui va révolutionner l'horreur ou quoi que ce soit. Hein, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, c'est un film de metteur en scène encore. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît ses classiques, c'est quelqu'un qui sait mettre en scène. C'est quelqu'un qui a aussi un univers. Et en fait, le truc, c'est que moi, par contre, les questions, j'avoue que je l'ai pas trouvé mignonne à la fin de la projection. Non, mais quand je dis mignonne, c'est que je trouve ridicule. Mais je trouve ça ridicule. Mais même d'ailleurs, le présentateur n'avait pas l'air d'avoir vu le court-métrage entièrement en prise de vue réelle. De Robert Morgan, puisqu'il a fait aussi, il n'a pas fait que de l'animation, et même son, enfin c'est pas son premier film, mais c'est, on va dire, c'est le premier film qu'il a vraiment rendu connu, qui est Le Chat avec les mains. C'est un film qui est en semi-live et quelque peu animé. Mais en fait, j'ai l'impression que lui, sa prise de vue, quand il fait de la prise de vue continue, ça reste toujours relativement propre. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des personnages qui sont un petit peu lisses et qui prennent vie, qui a quelque chose de plus organique qui arrive quand il touche à l'animation, quand il va un petit peu à l'intérieur, quand on entre dans le mécanisme. Mais dans la caméra, par exemple, dans Invocation, quand on va justement dans l'intérieur du conte, dans Le Chat avec les mains, quand le chat apparaît. Et donc, d'une certaine façon, pour moi, on retrouve vraiment quand même un petit peu la continuité continuité de son univers dans le film, c'est-à-dire de la prise de vue réelle là qui va être extrêmement lisse peut-être, mais toujours avec ce débordement un petit peu de couleurs, de quelque chose, voilà, où en fait on sait pas où on est dans un espace un petit peu étrange avec un personnage un peu bizarre comme la mère par rapport à la fille, qui apparaît pas tout de suite comme étant bizarre, mais qui apparaît très vite comme étant bizarre, qu'on oublie, qui revient à un moment, et en fait on se demande si elle est pas elle aussi un petit peu peut-être dans le cerveau de la petite fille. Mais en fait moi j'ai toujours l'impression chez lui que en fait on touche à quelque chose de lisse et de plus psychologique peut-être dans la prise de vue continue, et en fait qu'on entre vraiment dans le côté organique avec l'animation, comme si l'animation était vraiment le ressenti, comme si c'était elle qui allait vomir un petit peu toutes ses pulsions et qu'elle a vraiment envie de les mettre ici, ce qui fait que très clairement, pour moi, le coup de la petite fille, bon, sans spoiler, même si on spoil un tout petit peu, qui arrive ici, pour moi, c'est du vu, du revu, et surtout, dès la première image, en gros, j'ai deviné tout ce qui allait se passer dans le film, mais c'est pas quelque chose qui m'a gêné, parce qu'en fait, je suis quand même entraîné dans son univers, je suis entraîné à la fois dans ses folies et dans quelque chose de monstrueux et qui devient petit à petit monstrueux avec, justement, le glock de l'animation. Et moi, ça me va. Alors, effectivement, ça aurait été plus amusant qu'il bascule complètement dans l'animation, mais je suis même pas sûr qu'il aurait pu le faire d'un point de vue, on va dire, des moyens, etc. Ça devait être... Et je sais pas s'il aurait voulu non plus. Et en fait, on voit ça qu'à la fin. On pourrait citer pratiquement tous les cinéastes, comme tout le monde le fait d'ailleurs, de Zankmeyer à Cronenberg, en passant par Argento, Lynch, tout ce qu'on veut, par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il développe quand même son univers avec justement le lien à la stop motion, et davantage encore que l'idée du créateur-créature, qui est clairement un leitmotiv très classique depuis Emile Cole, puisque Fantasmagorie, ça repose déjà sur ça. Au final, il y a quelque chose qui là est bien plus explicatif du rapport à la mort. C'est-à-dire un animateur n'est pas quelqu'un, et là on retrouve un petit peu le texte, donc pour en parler de livre, hein, de Dick Tomasovich, Le corps en abîme, qui est absolument admirable comme bouquin. J'ai l'impression qu'il prend quasiment cet ouvrage-là pour en faire un film, c'est-à-dire qu'un animateur n'est pas quelqu'un qui anime, c'est quelqu'un qui réanime, qui prend des objets déjà morts et qui va leur redonner vie, un petit peu comme si d'une certaine façon on était avec des créatures qui étaient totalement justement déjà éviscérées, etc., et qu'en fait on allait ramener des choses qui étaient assez monstrueuse. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant, justement, ce rapport-là. Et c'est ce que dit, d'ailleurs, l'animatrice dans le film, aussi. Oui, c'est vrai que Tomasovich, c'est ce que fait Zankmeyer, c'est ce que aussi, font beaucoup. Oui, c'est, on prend des objets, on essaie de comprendre, finalement, la vie qu'ils ont eue. Mais, justement, pour moi, ce qui est intéressant chez lui, c'est que je trouve que ce qu'il reprend de Zankmeyer, c'est plutôt un film, et alors, évidemment, de manière beaucoup plus glauque, des films comme Meat Love ou Food, justement, des films qui prend déjà de l'organique en train de moisir pour les faire revivre, alors qu'en même temps on est dans des organismes morts, et il y a quelque chose justement de ce rapport à la mort là qui est assez intéressant, je trouve, dans le film. Alors en fait, quand on a des invités, en fait on fait mieux les choses. Là on a absolument bousillé toute notre musique qu'on aurait dû passer. Tu veux quand même passer Non, on laisse tomber toutes les musiques. On est vraiment là. Comme ça, on va vous parler un tout petit peu de qu'est-ce que tu attends. C'est ça que tu voulais nous parler de petites choses que tu attendais, non, ou de Absolument. Choses qui t'ont plu en 2023. Tu voulais Moi, Marie-Pauline. Oui, je voulais parler de choses qui m'avaient plu en 2023. Allons-y. Et notamment d'un film que vous pouvez voir. Donc c'est quand même un petit peu l'avantage. Qui se trouve à gagner il n'y a pas très très longtemps le prix du meilleur court-métrage européen. C'est les EFA European Film Awards. C'est un truc un peu important. Il y a tout un circuit de festival et dans ce circuit de festival, le court-métrage ou le long-métrage qui gagne ce prix gagne la mention, en fait, le droit d'être nommé, pardon, pour ces European Film Awards. Et à la fin de l'année, il y a un collège qui se réunit un peu en mode César et qui va voter pour un de ces films qui ont été déjà highlightés dans un autre festival. Donc c'est tout un circuit très complexe. Et alors en court-métrage cette année, la grande surprise, c'est que 27 de Flora Anna Bouda, que nous avions reçu ici, qui est un film très joli, que vous pouvez voir aussi sur Arte, était nominé et n'a pas gagné. Et il n'a pas gagné face à un autre film d'animation que voilà, qu'on n'avait pas forcément, qu'on n'aurait pas forcément attendu aussi haut, et qui est un film que moi j'aime énormément, qui s'appelle Hardly Working. C'est un film fait par le collectif Total Refusal, c'est un collectif autrichien qui avait fait ce film génial How to Survive où ils étaient donc dans un jeu vidéo et un jeu vidéo de guerre et où ils essayaient de voir s'ils pouvaient faire déserter leur personnage. Et il y avait toute une réflexion sur la désertion dans le film, uniquement avec ces personnages de jeux vidéo. Et spoiler, non, on peut pas déserter quand on est un personnage de jeu vidéo. Et donc là, ils ont un peu remis ça entre guillemets, puisque cette fois-ci, ça se passe dans un jeu vidéo qui s'appelle Red Dead Redemption 2. C'est un jeu qui est édité par Rockstar Games, si ça vous intéresse. Et donc, alors là, ils ont décidé, en fait, d'observer, sans jamais interagir avec eux, les PNJ, les personnages non joueurs. Vous savez, c'est ces personnages-là qui sont là pour servir un peu de décor, en fait. Quand on joue à un jeu vidéo, il y a quelqu'un qui balaye dans la rue, il y en a d'autres qui plantent des clous, et des fois, on peut interagir avec eux, mais parfois même pas. C'est juste pour donner un peu vie, comme ça, au décor du jeu. Et évidemment, déjà, l'idée, elle est quand même assez dingue, d'observer ces personnages. Et en plus, c'est absolument passionnant, parce qu'ils ont tout un discours ethnographique, sociologique et politique dessus, puisqu'ils observent que ces personnages non joueurs, déjà c'est des boucles d'action, évidemment, là on n'est pas très surpris, ils refont tout le temps la même chose de manière assez obsessionnelle, enfin, c'est un peu horrible. Il y a une femme qui balaye et en fait ils l'observent, et il y a des fois elle passe, je ne sais plus, alors 3 heures à la balayer un tout petit espace. Et elle balaye. Et autant elle balaye, autant le sol, il est toujours exactement pareil. Et ces personnages non joueurs, alors ils travaillent du matin au soir, donc il y a du jour et de la nuit dans ce jeu vidéo, donc ils travaillent du lever du jour à la tombée de la nuit. Et alors après, mais c'est d'une tristesse sans nom, parce qu'il y en a une, cette fameuse balayeuse, elle va s'appuyer contre un mur. Et elle la passe toute la nuit appuyée contre un mur à côté d'un homme qui boit. Ils se disent pas un mot, il se passe rien, et elle attend toute la nuit là. Et alors voilà, ils observent d'autres personnages comme ça. Il y a le charpentier qui plante ses clous, etc. Et évidemment, ils ont tout un discours autour en remettant ce jeu dans une société capitaliste où on doit avoir une fonction, et il y a ce truc de ces personnages qui, dans le jeu vidéo, mais évidemment on fait un parallèle avec la société, où il faut maintenir une sorte d'ordre social, et tout en mettant au jour la totale absurdité, puisque ce qu'ils font ne sert absolument à rien. Et en même temps, il y a un côté très très touchant, parce qu'au bout d'un moment, là, dans les 20 minutes que dure le film, on finit par éprouver une certaine compassion pour cette pauvre balayeuse, cette blanchisseuse, enfin voilà, il y a un truc comme ça très fort qui se joue, alors que quand on joue à un jeu vidéo, on regarde jamais ces personnages et on s'en fiche complètement. Donc ça s'appelle Hardly Working, c'est sur le site d'Arte, et franchement moi je suis très très contente que ce soit ce film là qui ait gagné, parce qu'il y avait vraiment de la concurrence. J'avais dit il y a 27, vous pouvez voir les 5 films nommés, ils sont sur le site d'Arte, donc n'hésitez pas. Il y a 2 films en prise de vue continue qui sont aussi vraiment géniaux. Il y en a un qui s'appelle Daydreaming Vividly About Our Spanish Holidays de Christian Aviles, c'est un film espagnol, enfin catalan même, qui est très très beau sur, vous savez, ces jeunes britanniques qui vont passer leurs vacances dans des pays chauds, type Grèce, pour boire beaucoup et tout ça. Et en fait, le film, on a vu pas mal de films ces derniers temps là-dessus, et ce film-là est d'une beauté absolue, d'une très grande ironie, en fait, parce que le titre, c'est vraiment l'idée qu'ils sont privés de soleil, donc ils vont profiter du soleil dans ces pays-là. Mais vraiment pas au sens bronzé, c'est vraiment le côté se nourrir du soleil, là, presque comme des, je sais pas quoi, c'est vraiment, il y a un truc très très très très beau dans le film, regardez-le. Et il y en a un autre qui qui est aussi espagnol, qui s'appelle Aqueronte de Manuel Munoz Rivas, qui est un film beaucoup plus contemplatif. Voilà, donc ça c'était mes petites recommandations de court-métrage sur le site d'Arte. Donc tout sur le site d'Arte, c'est rigolo, faudrait faire un jour tout un travail comme ça sur tous les films, sur les films qui évidemment s'intéressent aux jeux vidéo et tout ce qui est sociologiquement derrière les jeux vidéo, et de faire une comparaison entre les films qui s'amusent, parce qu'il y a eu des films de fiction hollywoodien sur tous les joueurs comme ça à côté, etc., et de voir les gens plus sociologiques, politiques. C'est vrai que le jeu vidéo est tellement important dans nos sociétés qu'on commence à s'y intéresser aussi à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel, artistique, sociologique, et donc c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Moi je voulais juste vous parler, je sais pas si Nicolette avait quelque chose à rajouter, le livre dont tu voulais parler, ou non, on fera ça la prochaine fois. Non, en fait, par contre, ce qu'on peut signaler, ouais, simplement à la suite, justement, comme je disais tout à l'heure, d'une demi-journée d'études qui avait eu lieu sur Toby Lolness à la BNF il y a 2 jours maintenant. En gros, j'ai appris que Toby Lolness, donc adapté de l'œuvre de Timothée de Fombelle, était sorti, donc nouvelle série produite par Delphine Maury qui avait fait les grandes vacances, et sorti et disponible sur Hoku, donc la plateforme de France Télévisions. Avant la diffusion nationale vers Noël, ils mettent déjà un épisode par jour sur Hoku, et on peut déjà voir la moitié de la série Toby Lolness sur la plateforme, qui est très jolie. Mère, pardon, t'avais d'autres choses à... à nous dire. Oh, bon, moi, j'avais repéré quelques films voilà, de cette année, mais après... Eh bien, si tu veux, très rapidement, alors, juste quelques noms, sans forcément développer. Mais, voilà, je ne développe pas, mais je vous reparle de ce film polonais dont on vous avait parlé, qui s'appelle Such Miracles Do Happen, de Barbara Rupik. Alors, le film n'est pas en ligne, mais vous pouvez voir un de ses précédents films, qui s'appelle The Little Soul. Lui, il est en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que c'était déjà vraiment très, très, très bien. Il y a évidemment Via Dolorosa, de Rachel Goodgartz, qui était venue également cet été nous parler de son film et qui sera diffusé sur France 2 prochainement. Alors on ne sait pas quand, mais voilà, on vous préviendra. Et puis moi, il y a un film que j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment, vraiment le bon moment pour le regarder, puisque ça s'appelle Carpe Xmas. C'est un film tchèque de Anna Erivanova. Et en fait, c'est dans une société où les carpes s'apprêtent à fêter Noël. Et vous devinez ce qu'elles mangent, les carpes, pour Noël. Voilà. Et moi, j'adore ce film aussi. Elles mangent... Eh ben, elles mangent des êtres humains, évidemment. On en voit beaucoup des films comme ça, non? Maintenant, les animaux qui mangent des êtres humains, pour nous montrer à quel point on est cruel. Donc, bah, écoutez, une partie des films, alors des fois, on se dit, mais bon, j'espère que certaines et certains d'entre vous, alors, notamment si vous êtes à Paris, vous aimez voir les films sur grand écran, parce que des fois, en effet, comme Marie-Pauline et moi aussi, des fois, on dit, bah, tel film est disponible, on se dit juste, pourquoi on fait un festival finalement, puisque la plupart des films vont être diffusés ou sont diffusés déjà à la télé ou sur Internet. Donc, bah, je voulais juste vous parler, vous le savez, puisque ça fait des années qu'on en parle. Donc il y a le PIAF, qui est le festival où j'ai la chance d'être directeur artistique. Marie-Pauline est la présidente. Deux autres personnes que je tiens à citer, Antoine Bieber et Anne-Horry. Donc Anne-Horry qui est la directrice, Antoine Bieber qui s'occupe de tout le graphisme. Donc voilà, tous les quatre, avec d'autres personnes, Julien. C'est au studio des Ursulines. Merci à Émilie aussi par rapport à ça. Donc la directrice. Et on va avoir, donc c'est du 16 au 21 janvier. C'est le soir uniquement. Donc c'est le 16, 19h ou 20h. Bon, quelque chose qu'on n'a pas encore décidé pour la soirée d'ouverture, encore une des choses. Mais sinon, après le reste, bah, très rapidement, on va l'avoir sur le site des Sud des Ursulines. Vous aurez la programmation. C'est deux séances le soir, 19h-21h. Et le week-end, on a des séances, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, 15h-17h-19h. Une nouveauté cette année de la sélectionneuse expé et jeunesse. On a deux sélections, deux séances jeunesse et deux séances expérimentales. Elle est très forte. Et donc, on a ces deux-là. La séance expé va rester. Ça a très bien marché l'année dernière et c'est bien parce qu'il y a vraiment une diversité de l'expérimental. Et donc, c'est important aussi de montrer l'expérimental dans l'animation, même si vous en trouvez aussi dans la séance court, dans les compétitions courtes. C'est important pour nous, compétition jeunesse. Vous avez pas mal de choses. On finira la séance de clôture avec la compétition musique, voilà, pour danser un tout petit peu, et la compétition horizon. Et cette année, vous avez vraiment plein de possibilités de voir. Je vous conseille vraiment, c'est un peu facile, c'est nous qui avons fait les sélections, donc dire ça, mais 27 dont on parlait, donc à la fois des choses multiprimées comme ça, Box Cutters, film d'une réalisatrice sud-africaine qui est maintenant en France. Qu'est-ce qu'on a de la saison pourpre, pareil, là je vous parle des gros tubes, entre guillemets, de cette année, None or Never. Est-ce que c'est un tube? Mais oui, je pense. Or Uniform, film, moi, que j'aime beaucoup, iranien, d'une réalisatrice iranienne qui nous montre ce que c'est que de vivre à Téhéran et voilà, et ce que c'est que d'être... Est-ce qu'on peut être une femme réellement? Non, il dit justement, je suis une femme, là où j'aurais pu être une actrice, j'aurais pu être chauffeuse de bus, etc. Et ben non, comme je vis à Téhéran, je ne suis qu'une femme, et le film est très très très beau, très dur. The Family Portrait de Lavi Dakovic, qui est une réalisatrice que j'adore absolument. Un film, je crois, qu'on aime bien aussi, qui est Via Dolorosa, bien sûr, de Rachel Goodgartz, où Rachel Goodgartz devrait être là. The Cactus, film d'horreur, Sweet Like Lemons de Yeni Yokela, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui avait fait un film qui s'appelle Barbecue, qui reste un des très grands films étudiants de ces dernières années. Donc voilà, pas mal de choses à voir. Et puis à côté de ça, des petites choses entre guillemets, qui peuvent être, moi en tout cas, qui sont très fortes, comme Hémorrage par exemple, qui est un film qui parle de la loi par rapport à la... Faut que m'aider là à ce moment par rapport à l'avortement. À l'avortement. Je fais des gestes, mais ça suffit pas. À l'avortement aux États-Unis, des films un petit peu moins, voilà, qui ont un petit peu moins peut-être tourné. Cato's Dream, Les Marrons Glacés, que moi je trouve assez drôle, Monk Sai Chin. Enfin voilà, pas mal de choses pour la compète court, pour la compète expé. Qu'est-ce que tu dirais, les deux films qu'il faut, deux, trois films? Tu as fait toutes les sélections, mais que tu. Alors, il y a. Je pense Cave Painting de Sigrid Frühhoff, encore un réalisateur autrichien. Et alors là, malheureusement, tu me prends de court. Il y a un film absolument... The Silent Chirping. Voilà, The Silent Chirping. Je suis heureusement, je connaissais. Incapable c'est de retenir le nom. Il y a un autre film autrichien qui est un film vraiment incroyable, qui travaille beaucoup sur le hors-champ et qui est un de mes préférés. Mais il faut tout voir, bien sûr. Deux séances quand même, on a voulu cette année, hein, c'était une réflexion, une séance, on va dire, entre guillemets, plus légère, le samedi soir à 21h. Alors, ça ne veut pas dire plus légère que... c'est pas l'XP, au contraire, c'est de l'XP, mais en tout cas, voilà, peut-être aussi pour essayer que les gens abordent ce genre, mais non, l'XP, c'est une technique, je ne sais pas comment le dire, même d'ailleurs, c'est un cinéma, on va dire, pour ne pas employer de mots, et de manière différente, on va dire, un petit peu. Oui, alors au départ, je ne l'ai pas pensé comme ça, c'est surtout parce qu'on a reçu beaucoup de films et qu'il y avait énormément de choses intéressantes, comme tu l'as dit, énormément de choses différentes, parce que quand on pense cinéma expérimental, une fois qu'on a pensé ça, on n'a pas pensé grand-chose. Il y a quand même différents formats, il y a des films narratifs, il y a des films paranarratifs, il y a des films très contemplatifs, il y a des films très, je ne sais pas comment appeler ça, mais clignotants. Les flickers. Voilà, les fameux flicker movies. Donc, il y a des films avec énormément de réflexion, il y a des films qui vont être purement visuels. On a beaucoup, cette année, de travail sur le corps. Donc, on va à l'intérieur du corps, on va à l'intérieur des cellules. Il y a cette thématique qui revenait pas mal. Il y a aussi beaucoup de choses en rapport avec les animaux. Et moi, j'avais envie de montrer cette diversité-là, justement, parce que peut-être que vous n'aimez pas le cinéma expérimental, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais je vous assure, il y a un film expérimental pour vous, et en tout cas, je suis sûre qu'il y en a un dans cette sélection. Ouais, c'est toujours passionnant, parce que le cinéma expérimental, en plus, c'est vraiment le cinéma qui je trouve, fait le changement entre les gens qui sont, entre guillemets, adultes et les enfants. Parce que les enfants sont, alors, pas forcément toute la sélection de Marie-Pauline, mais les enfants sont souvent très adepte finalement du cinéma expérimental, parce qu'il n'y a pas cette réflexion de se dire je comprends pas, etc., mais prennent les images aussi un peu telles qu'elles viennent. Moi, quand je fais la sélection pour le PIAF, pour la sélection expérimentale, j'ai un petit assistant de 7 ans qui me dit « Oh, ce film était trop beau, il faut que tu le sélectionnes. » Et je vous assure que des fois, c'est vraiment sur des films où je me dis « Alors moi, j'aime beaucoup le film, de là à le dire beau, je ne suis pas sûre que c'était le bon adjectif. » Et oui, bien sûr, ça fonctionne sur tous les publics. Alors là, effectivement, il y a des films qui sont peut-être un peu durs, un peu sanglants, un peu cruels ou je ne sais pas quoi. Mais quand c'est très visuel, ça marche absolument sur tout le monde. Ouais. On aura une séance, c'est ce moment que j'adore dans mon émission, c'est 18h56, c'est-à-dire est-ce que l'émission d'après va venir ou pas? A priori, non. Donc, on peut prendre 5-6, pas forcément longtemps, merci, juste 5-10 minutes peut-être en plus pour parler de 2-3 petites choses et pour finir aussi sur le PIAF. Je sais pas si Marie-Pauline, toi, t'avais aussi d'autres choses à redire par rapport à... Eh bien, je boucle avec ce que j'ai dit, puisque je vous ai parlé de Such Miracles Do Happen de Barbara Rupik. Vous pouvez le voir au PIAF sur grand écran et je vous assure que c'est une expérience inoubliable. Oui, c'est vraiment, enfin, on insiste, moi j'insiste, alors c'est pas parce que là on parle du PIAF, mais même pour tout, c'est pour ça qu'on disait allez voir les films sur grand écran, moi je les redécouvre. Il y a un film par exemple, que Ce qui bouge est vivant, d'Amy Marcelli, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup normalement. J'ai vu son film l'année dernière, j'ai bien aimé, mais sans plus, je l'avoue. Je l'ai vu sur grand écran dans un autre festival et je me suis dit, oh, mais j'aime beaucoup ce film. Et donc j'ai décidé de le prendre pour cette année, de le récupérer pour cette année. Et c'est vrai que d'un seul coup, de voir sur grand écran, c'est une banalité, ce qu'on pourrait dire, mais aujourd'hui, tout le monde regarde, je vois, tout le monde regarde sur ses petits écrans, sur ses téléphones, de regarder un film, ce bonheur qu'on a, et un film sur grand écran, et de découvrir ou redécouvrir un film, se dire, ah, mais finalement, c'était encore plus passionnant parce qu'il y avait ce petit détail derrière ou ces choses comme ça. Et le film de Barbara Rupik, par exemple, est un film qu'il faut voir pour moi au Via Dolorosa, c'est des films qu'il faut voir sur grand écran, c'est des films qui méritent, alors on peut pas toujours voir tout sur grand écran, donc c'est bien que ça passe évidemment sur les petits écrans, mais c'est des films qui méritent vraiment le grand écran, alors pour le son aussi, d'un seul coup, et puis pour être immergé dans le temps, parce que c'est vrai que c'est des films où on peut facilement sortir, surtout en animation, facilement on peut se dire Barbara Rupik, je pensais qu'il y a des gens qui vont se dire « Oh, c'est pas très beau !» Je sais bien que c'est l'inverse, que Marie-Pauline, tu trouves ça très beau, mais non, mais peuvent dire c'est pas très beau. Alors qu'en fait, il y a beaucoup, il y a ça, mais il y a beaucoup plus que ça. On se laisse complètement. Son dernier film, Such Miracles, est absolument bouleversant par cette petite fille aussi. Donc, il y a des fois, je dis pas qu'on dépasse, mais cette technique est importante, mais il y a quelque chose aussi de très fort chez le personnage, qui des fois le grand écran permet ça, l'immersion. Oui, bien sûr, le grand écran, c'est inégalable. Après, On ne peut pas, comme tu dis, toujours les regarder. Sur le court-métrage, ça ne passe pas toujours en salle. C'est, pas, voilà, c'est très compliqué. Donc, on est bien content de pouvoir vous conseiller plein de choses à voir en ligne parce qu'au moins, ils sont visibles. Mais oui, si vous avez l'occasion, un film comme Such Miracle a fait la tournée des festivals alors que ce n'est pas un film facile. C'est un film, effectivement, qu'on peut juger un petit peu répugnant sur ce qu'il montre, enfin, sur ces espèces de personnages un peu suintants. Voilà, il y a un truc un peu très organique toujours chez Barbara Rupik. Et en même temps, ce film, il a quand même gagné des tonnes de prix dans plein de festivals, y compris des festivals, pas du tout des festivals d'anime, des festivals généralistes. Moi, je suis épatée, je suis tellement contente. La très très bonne nouvelle quand même, c'est que Barbara Rupik prépare un long métrage. Apparemment, elle va pitcher à Rotterdam, un festival de Rotterdam, un long métrage. Donc voilà, moi je suis ravie. J'ai toujours dit que si Barbara Rupik faisait un long métrage, j'étais prête à devenir productrice pour l'aider. Donc voilà, je vais me mettre en contact avec elle pour vérifier qu'elle a tout ce qu'il faut. J'espère qu'elle a des vrais producteurs, mais voilà, il faut l'encourager. Écoute, parce que c'est voilà, une réalisatrice incroyable. Après, qui n'a pas de projet de long métrage en animation aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne, entre guillemets, à un moment donné, qui a fait 2-3 cours et qui ne se dit pas, et c'était rigolo parce qu'on râle toujours un petit peu quand les gens disent « Ah, mais, mais voilà, le court-métrage, c'est le tremplin pour le long-métrage, etc. etc. » Et on râlait pendant longtemps dans l'animation en disant « Non, c'est pas vrai, nous, en animation, des gens qui font... » Je pense que c'est fini, voilà, le monde de l'animation bouge et je pense que maintenant, aujourd'hui, des gens qui ne construisent... On verra, hein, mais des gens qui construisent que sur du court-métrage vont devenir de plus en plus rares, ce qui va poser une problématique par rapport à la distribution et la diffusion. Je pense pas encore qu'il y ait quelque chose, c'est que la différence, c'est que enfin, pour moi, c'est qu'en animation, des gens sont prêts à faire un long-métrage, mais après peut-être à revenir au court. Oui, passer de l'un à l'autre. On va voir. Passer, faire les deux, c'est-à-dire pas seulement juste un tremplin pour rester vers le long, mais... Pour l'instant, il y a Florence Millet qui fait ça. Et Florence Millet avait créé un corps énorme de court-métrage avant de se mettre au long-métrage. Et elle revient parce qu'elle a besoin de ça et parce qu'elle a passé 10 ans. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Théodore Huchef. Mais Théodore Huchef, comme on l'a dit, hors micro, Théodore ne nous écoute pas, mais le micro, il fait deux courts-métrages, un long-métrage, une série. Voilà, il fait tout. Il ne fait pas que du long-métrage. Oui, mais il fait tout. C'est une très bonne question. Je pense que... Non, mais c'est intéressant aussi de voir. Je pense que les festivals sont intéressants pour voir ça aussi. C'est toute la sociologie, finalement, aussi du cinéma, de l'animation, et de voir à quel point les choses ont changé. Là où il y a 20 ans, je pense que personne... Très peu de gens pensaient au long métrage et qu'aujourd'hui Barbara Rupik. Là, on a des jeunes réalisatrices qui. Barbara Rupik n'a fait que des films officiellement étudiants, puisque ce dernier film, elle l'a encore fait dans son école. Alors évidemment, c'est un film étudiant d'une étudiante qui est là depuis quelques années maintenant. Donc, oui. Voilà, on peut faire des études très très longtemps apparemment dans cette école. Daria Kacheva. Voilà. Café Electra fait un long métrage. Mais c'est pas des univers qui sont facilement transposables. En tout cas, celui de Barbara Rupik, moi je suis très très curieux. Daria Kacheva est plus transposable. Celui de Daria Kacheva est beaucoup plus facilement mais transposable. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que je pense aussi qu'il y a et ça va être intéressant, c'est que les longs métrages on va comprendre aussi qu'il y a des budgets, c'est-à-dire que je pense que des gens comme Barbara Rupik vont aussi réfléchir autrement le budget parce qu'elle a une animation qui est différente, comme Virgin Keaton. Ça nous permet de nous dire que Virgin Keaton nous fait le grand plaisir et l'honneur, on est ravis d'avoir Virgin Keaton le vendredi soir à 21h au Piaf. On la recevra pour une séance spéciale, un dialogue avec normalement une artiste qu'elle va choisir. Mais Virgin Keaton, pareil, quand je pense qu'il y a même 4-5 ans, on aurait dit qu'elle va faire un long métrage, je pense que personne, elle-même le disait, elle disait mais c'est mon style, c'est pas du tout un style pour le long métrage, et qu'il y a des prods aujourd'hui qui, je pense, sont prêts à prendre ces risques, parce qu'en plus, ça va être des budgets qui vont devoir réfléchir différemment qu'un budget à 3, 4, 5, 6, 10 millions d'euros, et qu'on va peut-être enfin arriver à ce qu'on fait dans la prise de vue continue, avoir des films à 500 000 euros. Et des films à 40, parce qu'à chaque fois je dis 40 millions, à chaque fois je dis 500 000 euros, on me fait oh, mais t'es fou, tu veux dire qu'on soit pas payé? Et j'essaie toujours de dire oui, non, mais c'est juste d'avoir une fourchette qui va être beaucoup plus large qu'aujourd'hui, qui est entre 3 et 10 millions, et que même que des gens puissent avoir ça. Donc ça va être ça. Ça va être aussi, ben, c'est cette fameuse belle anime, c'est-à-dire peut-être d'avoir d'un seul coup quelque chose où on réfléchit l'animation peut-être un peu différemment et qu'on sorte de. 80 ans de Blanche-Neige et les Sept Nains, entre guillemets. Et comme le fait Anka Damian, par exemple. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, très rapidement, on aurait pu avoir Dépêche Mode. Et on aurait pu avoir Dépêche Mode, bien sûr, puisque dans le petit voyage au milieu des albums beaucoup écoutés cette année, il y avait effectivement cet Dépêche album Mode. Memento Mori de Dépêche Mode qui était sorti en mars dernier. et qui était plutôt une très bonne surprise de la part de ce groupe quand même des années 80 et qui parfois était un petit peu inégal dans ce qu'ils ont sorti, et là c'était une vraie renaissance. On aurait pu avoir PJ Harvey. On aurait dû avoir PJ Harvey, bien sûr. Qu'on a déjà eu. Dépêche Mode, ça fait deux fois qu'on les a pas. On les a eu avec Pascal qui nous avait proposé une fois, donc on avait quand même eu. Mais deux fois, ça fait deux fois qu'on ne le passe pas. Je suis sûre que tous les auditeurs se souviennent très précisément de ce morceau passé il y a six mois. Oui, on aurait pu avoir PJ Harvey qui a sorti elle un album en juillet 2023 qui s'appelle I Inside the Old Year Dying, que je vous recommande très très chaudement parce qu'avec PJ Harvey, c'est... Alors là, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. C'est chaque fois un coup plus loin, un coup plus haut, un coup plus magnifique, je sais pas comment dire. Vraiment, elle fait des trucs avec sa voix sur cet album que j'ai l'impression qu'elle avait encore jamais fait. Et si Marie-Pauline, il y a des gens qui nous écoutent et qui savent ce qu'on passe, et on a des auditeurs fidèles qui se souviennent qu'il y a six mois on a passé vraiment en dernier, t'aurais pu nous passer Lana Del Rey. Et oui, j'aurais pu passer cet album vraiment extrêmement marquant de Lana Del Rey, sorti cette année, qui s'appelle Did You Know That There's a Channel Under Ocean Boulevard, voilà, sorti au mois de mars. Toi, Nicolas, je ne sais pas si on aura, parce qu'en janvier, ça sera une autre émission. En janvier, on revient avec le débat critique du PIAF, donc qui aura lieu en direct ici même dans l'émission. Donc voilà, toujours mené de main de maître par Marie-Pauline, avec trois nouveaux critiques cette année, évidemment, puisqu'on change de jury chaque année. Donc, ils nous parleront, alors qui est toujours un peu compliqué, on sait, puisque vous n'avez pas forcément vu les films, sauf si vous venez au PIAF. Et dans ce cas-là, vous pouvez écouter et évidemment, d'un seul coup, comprendre plus facilement. Bah, après, ce qui est intéressant toujours aussi, c'est comment une critique peut parler d'un film et comment mettre en place. Et moi, j'aime bien, même ce qu'on a fait aujourd'hui, de voir les plutôt fans qui vont aimer, qui vont avoir ça, ou les gens, etc. Et donc, on voit aussi comment des critiques, et c'est important. Je pense qu'on en a encore évidemment énormément besoin. Donc, je ne sais pas si on passera le disque d'Alicetti et de Nicolas Jarre. qui est un duo plutôt, voilà, c'est mieux. Alors le premier qui est américano-pakistanais et le deuxième qui est américano-péruvien, et qui font des chants un peu, on va dire, entre folk électro, justement, dans un album qui s'appelle Intia et qui est sorti en 2023. En 2023, voilà. Et moi j'aurais pu vous passer Larry Woods, on verra. Uboa, c'est un peu l'exemple, qui vous passe un peu de noise, mais bon, tant pis, on passera pas de noise. Et Lisa Lenkerfeld, je vous passerai alors Shell of City, qui fait, c'est un petit morceau de 4 minutes, mais le morceau fait 40 minutes, et je tombe un peu dans tous ces gens qui font finalement du, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, mais pas de la land music, mais comme le land art, enfin, qu'enregistre des bruits un peu partout, etc., et qui ensuite remixe ça et font des films. Mais en fait, je trouve que c'est font des disques et des morceaux, et ça vous accompagne parfaitement pour travailler. Ça vous amène dans des endroits pas possibles, et on peut décrocher, on peut revenir, et c'est assez beau par rapport à ça. Donc voilà, bah écoutez, on va terminer notre émission là, sauf s'il y a un dernier mot de Marie-Pauline, non, de Nicolas. Non plus. Merci beaucoup Nicolas, notre réalisateur. On va finir, allez, pour un truc un peu plus léger, qui est un morceau donc de trois personnages. Je l'avais dit en disant peut-être que la Tribuna Latina juste après, donc c'est un morceau brésilien de Renan Inquirito, pardon pour l'accent, Adriana Pantin-Pin, c'est vraiment horrible, et Emicida, c'est un rappeur que peut-être certaines et certains vous connaissez dans le monde de l'animation, qui a notamment fait toutes les chansons pour Le Garçon et le Monde d'Ale Abreu, donc c'était ce très très joli, c'est très joli morceau, enfin morceau, et là ils ont fait un album pour enfants qui s'appelle A Black Cabeza. Encore une fois, désolé. Le morceau qu'on va entendre, et c'était pour vous faire un petit teasing aussi sur le PIAF, c'est un clip que vous verrez au PIAF qui s'appelle Palabras Magicas, si vous comprenez l'espagnol. En fait, c'est plein de jeux de mots entre des... Alors, c'est du portugais, pardon, mais si vous comprenez le portugais, c'est encore mieux, le brésilien, encore mieux. Et si vous comprenez l'espagnol, parce que vous comprenez des petites choses quand même par rapport à ces jeux de mots qu'il y a entre les mots. Alors voilà, c'était pour faire le générique final, puis ça fait un peu 2 minutes et quelques. Donc voilà, donc c'est le morceau... Est-ce que tu le vois? C'est le morceau 12. Super. Merci beaucoup, Nicolas, et à bientôt. A gente diz, depois entram pelo ouvido, pelo nariz, tipo perfume, fedor, chulé. paralelepípedo, elefante, palavras pesadas, dinossauro, avião, tonelada, culpa, separação. Palavras que têm som e que dançam, chic, pop, hip hop. Quando te faltarem palavras, presta atenção, abra a cabeça e escuta o seu coração. Gira, gira, gira que nem vi.